Ce soir, le programme, donc, c'est concevoir un enfant. Concevoir un enfant nouveau. Un enfant nouveau. Un enfant, est-ce que c'est pas toujours neuf par définition? Neuf, oui. Nouveau, peut-être pas. Alors, c'est quoi un enfant nouveau? C'est quoi un enfant ancien? On va commencer par procédant par exclusion. Bon, alors, un enfant ancien, c'est quoi? C'est un enfant qui va être conçu comme tous les enfants ont été conçus. Donc, disons par accident. Ou encore par attraction émotive des parents qui avaient besoin d'une catin, d'une poupée ou qui avaient besoin d'un placebo pour essayer de compenser leur manque d'amour ou leur manque de possibilité d'aimer, ces choses-là. Donc, lorsque les parents, par exemple la mère, plus souvent qu'autrement, ou encore le père qui va avoir un bon joueur de baseball ou un bon boxeur, va avoir un enfant, ça devient un enfant ancien. Et ancien, il est conçu comme on a toujours conçu les enfants. Si c'est un accident, comme ça peut arriver souvent aussi un peu partout sur la planète, donc encore là, on conçoit des enfants anciens, sauf par rares exceptions, suite à un processus génétique qui peut permettre de temps en temps de créer un génie à travers une famille de débiles. Bon. Mettez ça dans votre pipe et fumez-le lentement. Non, mais enfin, c'est un fait. Bon. Bon, si j'ai bien compris, il n'y aura plus d'équipe de baseball demain avec les enfants nouveaux. Alors ça, c'est ce qu'est un enfant ancien. L'enfant ancien, une fois conçu, va naître dans la salle d'épouvante à fœtus, la salle d'accouchement. Et lorsque l'enfant est venu au monde, l'enfant ancien va être éduqué selon le schéma normal, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'éduquer, de l'instruire, de lui montrer comment devenir un enfant. Parce que les adultes sont passés maîtres dans l'art de montrer aux enfants comment être un enfant. Alors un enfant, ça doit être ceci, ça doit être cela. Un enfant normal, c'est ceci, cela, cela. Alors on bûche, on tape, on chicane, on prive de dessert l'enfant jusqu'à temps qu'il ait compris qu'il doit être un enfant normal. Alors, privant l'enfant de dessert, on l'instruit que la nourriture n'est pas quelque chose pour nourrir le corps, mais quelque chose de psychologique. Quand tu as en masse de bouffe, c'est que tout va bien. Parce que quand l'enfant est puni, on le prive de nourriture. On le prive de dessert ou il passe le souper. Alors, évidemment, ça instruit chez lui l'idée que la nourriture devient une récompense. Donc, alors, il ne mangera plus, il va devenir à un moment donné un homme ancien. Il ne mangera pas pour se nourrir, il va manger parce que manger passe le temps, manger occupe, manger rassure. Un peu comme celui qui suce son pouce, il alimente sa bouche. Celui qui fume, il alimente sa bouche. Celui qui mange des crayons ou de la gomme, il alimente sa bouche. Et celui qui a besoin d'une femme pour mieux marcher, il alimente sa bouche aussi. Bon. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a une phase buccale où l'enfant ancien, et même l'homme, la femme ancienne, reste bloqué à un moment donné, où lorsque la bouche fonctionne, lorsque l'estomac semble vouloir fonctionner, ça donne l'impression, comme disait Obélix, quand l'appétit va, tout va. Bon. Ça reste toujours notre enfant ancien à qui on va obliger la politesse, parce que l'enfant normal n'est pas poli, l'enfant normal est naturel, il est ce qu'il est lui. Alors, on ne veut pas qu'il soit lui, on veut qu'il devienne poli, on veut qu'il dise que c'est beau même quand il trouve ça laid, on veut qu'il dise que c'est bon même quand il trouve ça dégueulasse, et il devient un enfant poli, un enfant normal, qui aimera aller à l'école, c'est-à-dire qu'il fera comme s'il aime aller à l'école, qui devra avoir certaines notes, qui devra faire certains sports pour le plaisir de ses parents, et qui devra évidemment gagner, parce qu'un enfant normal, ça se doit de gagner. Et en fin de compte, lorsqu'il aura sa crise d'adolescence, un enfant normal va maintenant devenir tout à fait normal, même à l'encontre du désir des parents. Alors il pourra apprendre à se droguer, à écouter que de la musique, à faire le bordel, à coucher ailleurs. Alors là, il deviendra tout à fait normal, même si les parents ne veulent pas que l'enfant devienne aussi normal que ça. Suite à cette normalité d'adolescence, il va devenir un adulte qui sera le résultat plus ou moins exquis de l'enfance éducative, de l'adolescence, de lutte, de guerre. Et on va avoir un adulte ancien qui sera soit violent, soit pacifique, soit spirituel, soit ceci, soit cela. Quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Ça, c'est au niveau homme ancien. Maintenant, qu'est-ce que c'est concevoir un enfant nouveau? Ça devrait être plus intéressant après ce que je viens de dire. Bon. Si j'observe ce que j'ai... Bon. L'enfant nouveau, premièrement, peut naître de trois façons. C'est original que l'enfant ancien naît d'une façon. C'est-à-dire que l'enfant ancien peut naître par la tête, par les fesses, par... Bon, OK. Mais l'enfant nouveau va naître de trois façons fondamentales. Concevoir un enfant nouveau, cela veut dire, pour un homme et une femme, cela va de soi, vouloir avoir un enfant... mais avoir une raison intelligente de vouloir avoir un enfant. Et là encore, on peut se demander si on peut avoir une raison intelligente de vouloir avoir des enfants. Ça, c'est donc la conception entre un homme nouveau et une femme nouvelle. On va concevoir d'une façon nouvelle, c'est-à-dire que tous les schémas qui vont amener l'idée de la conception ne seront pas comme on a toujours vu. Ça sera quelque chose de neuf. Est-ce que le résultat sera automatiquement un génie? Ça n'a rien à voir si l'on veut parler d'une conception nouvelle. On verra par la suite. Ça dépend évidemment de la génétique des parents. Alors, concevoir un enfant nouveau, cela peut vouloir dire, entre un homme nouveau et une femme nouvelle, s'ils ont une raison intelligente, ou un désir intelligent, mais c'est encore mieux une raison intelligente, d'avoir un enfant ou plusieurs enfants, automatiquement, ils vont suivre un processus de conception sur lequel je vais élaborer, si tu veux qu'on y revienne, pour pouvoir donner le plus de chances possible à la naissance d'un enfant qui sera drôlement plus habilité à pouvoir s'adapter à vivre convenablement. La deuxième façon de donner naissance à un enfant nouveau, c'est de prendre un enfant nouveau qui est déjà au monde. Donc, un enfant qui, de 9 mois, l'âge de sa naissance, approximatif, allait jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans. Disons, allons entre ces deux chiffres. L'enfant peut être de naissance nouvelle, c'est-à-dire que l'enfant peut être un enfant nouveau, parce que, à travers la correspondance génétique des parents, l'enfant naît toujours plus évolué physiquement, donc plus évolué endocriniennement, donc plus évolué psychologiquement, ce qui lui laisse une possibilité d'être plus évolué mentalement que les parents. Et c'est comme ça que l'humanité évolue de génération en génération. Par contre, cet enfant qui peut être nouveau subira évidemment l'éducation de parents anciens qui ne comprendront pas nécessairement l'état d'être-té de cet enfant nouveau, qui vont se penser que l'enfant est anormal. Il est effectivement anormal, c'est-à-dire qu'il est naturel, il n'est pas comme tout le monde, donc il est anormal. Maintenant, anormal ne veut pas dire qu'il est nécessairement médiocre, dangereux, débile, etc. Anormal peut aussi vouloir dire qu'il est génial, qu'il est plus pacifique, qu'il est plus doux ou qu'il est plus manipulateur parce que plus intelligent. Donc, l'enfant normal, ça peut être son voisin, ça peut être son neveu, sa nièce, ça peut être son cousin, ça peut être ses propres enfants, ça peut être les enfants qu'on a à l'école. Les enfants qui sont nouveaux, c'est-à-dire qui ont une conscience nouvelle, donc qui pensent comme l'homme n'a jamais pensé, c'est-à-dire qu'un enfant de 12 ans qui pense comme un enfant de 12 ans normal ne pense pas, est un enfant nouveau. Lorsqu'il est régi par l'intelligence, c'est-à-dire que s'il pense comme un enfant de 12 ans ne pense pas parce qu'il pense comme un enfant de 3 ans pense, c'est un arriéré. Pas pareil. Donc, si à 12 ans, il pense comme normalement on pourrait se permettre à 20 ou 21 ans au niveau toujours de la structure émotive ou psychologique. Ce qu'il faut faire attention lorsque nous parlons de l'enfant, c'est que l'enfant à l'âge de 6 ans ne saura peut-être pas comprendre toute la mécanicité de moteur à explosion. Mais à l'âge de 6 ans, il aura par contre l'affinité, si c'est un enfant nouveau, de comprendre la mécanicité du plan émotif de ses parents. C'est là qu'il faut faire attention. Donc, si on amène un jouet particulier à un enfant de 6 ans qui est un enfant nouveau, normalement, il va arriver à le raisonner, à le comprendre et à l'adapter à lui assez rapidement. Mais ce n'est pas là que nous pouvons discerner l'enfant nouveau. Alors, on peut avoir des enfants hyper mentaux, qui vont donc être des génies mathématiciens ou des génies physiciens, mais qui n'ont pas la connotation enfant nouveau, c'est-à-dire qu'au niveau de la psychologie, la sienne et celle de l'extérieur, il ne voit pas plus que n'importe quel autre humain. L'enfant nouveau de 6 ans va être capable de faire chier, c'est le cas de le dire ses parents, c'est un terme québécois très bon, va être capable de faire peur à ses éducateurs, va être capable d'énerver, d'envoyer à la dépression, de manipuler, parce que l'enfant nouveau a la faculté de percevoir la mécanicité, donc la mécanique psychologique ou émotive, astrale, de ses parents, comme de tous les adultes, ou même les enfants qui sont normaux ou anciens autour de lui. Là, est-ce que ça veut dire qu'il refuse d'entrer dans le conditionnement habituel? Non seulement il refuse d'entrer, mais il décide d'implanter son propre conditionnement aux autres. Et c'est ce qui fait en sorte que l'enfant nouveau, normalement, va être un enfant qui ne peut pas être laissé dans une classe avec les autres. Parce qu'il ne voudra pas être le chef. Il va être le chef, mais en même temps le tyran de la classe. Alors, il ne se contentera pas simplement d'avoir sa gang. Il s'amusera à créer des conditions psychologiques d'évolution dans sa gang. Ça, c'est important et intéressant. Créer une condition psychologique d'évolution, c'est inhérent à l'homme nouveau. Donc, c'est inhérent à l'enfant nouveau, évidemment à la femme nouvelle. Créer des conditions psychologiques d'évolution, cela veut dire obligatoirement devoir briser des formes. Et ça, créer une condition psychologique d'évolution. Donc, l'enfant nouveau ne peut pas être heureux à travers de l'illusion. Maintenant, il est capable de générer lui-même un cadre d'illusion dans lequel lui va se plaire, mais lui ne se plaira pas longtemps. Et lui ne souffrira pas si on démolit le cadre d'illusion. Il va surtout souffrir si on veut lui imposer un cadre illusoire que lui n'a pas créé ou que lui n'a pas volontairement accepté Là, ça ne marchera pas. Est-ce que la religion, la morale, tout ça, ça rentre là-dedans? Tout ça fait partie des formes que l'enfant nouveau, la femme nouvelle et l'homme nouveau va briser, contre lesquelles il va s'attaquer, la forme. Pas nécessairement contre le fondement, ou contre l'essence, ou contre l'intelligence de la religion, mais contre l'obligation, par exemple. L'enfant nouveau, à 7-8 ans, découvre qu'on l'a baptisé. Donc, on lui a donné un nom en relation avec un égrégore religieux. Et ce nom devient une clé pour que soit que la religion puisse avoir contact avec lui et pour que lui aussi puisse avoir un contact avec le dieu de la religion. Alors l'enfant nouveau automatiquement ne pourra pas vivre ce mécanisme longtemps. Il ne pourra pas aller à l'église. Il ne pourra pas se confesser parce qu'il aura plutôt tendance à confesser le prêtre. Il ne pourra pas, il ne voudra pas donner de raison à ses parents ou aux éducateurs. Parce qu'au lieu de donner une raison, il va prouver qu'eux font pareil. Et là, évidemment, les éducateurs ou les parents, c'est ça que j'appelais les faire chier ou leur faire peur. À un moment donné, on se demande si on n'a pas un génie dangereux. Mais dangereux pourquoi? Parce que l'enfant nouveau, donc l'homme nouveau, a la faculté de briser toute l'expression de la personnalité, de l'orgueil, de l'ego. Donc l'enfant nouveau a la faculté de traverser toutes les barrières que l'humain normal met. C'est-à-dire que l'enfant nouveau a la faculté d'aller voir directement l'humain là où il se trouve. Et l'enfant nouveau va parler de cet humain. Alors, celui qui se maquille, un enfant nouveau va passer en avant, il va dire, c'est-tu écœurant comment il y a d'humains sur la planète qui mettent de l'énergie, du temps à essayer d'être autre chose que ce qu'ils sont. Tu dis ça devant ta grande sœur de 18 ans qui se maquille. L'enfant de 6, 7, 8, 9 ans, évidemment, la grande sœur, elle va vouloir taper dedans. Sauf que l'enfant, lui, ne pourra pas comprendre qu'il se fait bûcher ou qu'il se fait traiter de ceci ou de cela. Et il aura la faculté, donc, d'apprendre à se venger. L'enfant nouveau a comme faculté propre, et cette faculté, elle est neuronique, donc elle est génétique, de pouvoir enligner d'une façon plus mentale, plus intelligente, donc de pouvoir mentaliser ou légiférer sur tous les mécanismes de la psychologie de l'humain. L'enfant nouveau n'est pas nécessairement en contact avec intelligence supramentale, donc avec un savoir instantané, parce que ça ne se communique pas génétiquement. Par contre, il a la faculté déjà mentale, et ça c'est neuronique, c'est cortexien, de pouvoir démolir la forme. Donc, il voit à travers les jeux de la personnalité très tôt, il est capable de faire tomber les masques. Oui. C'est à ça qu'il s'attaque, en quelque sorte. Il s'attaque à cela. Il dénonce ou il veut une réforme là-dedans? Il ne veut pas de réforme, il ne dénonce pas. Par contre, il crée des conditions psychologiques d'évolution et ça, c'est inhérent à lui. Donc, il doit briser des formes. Parce que brisant des formes, il s'auto-éduque. Brisant des formes, ce sont les siennes qu'il brise. C'est-à-dire que lorsqu'une forme lui est amenée par le prêtre, par l'éducateur, par les parents ou par la vie, cette forme, elle sera automatiquement mise à l'épreuve par l'enfant nouveau. Étant mise à l'épreuve, si c'est une illusion, elle sautera. Maintenant, le problème, c'est que l'éducateur, le prêtre, les parents ou la société qui amène la forme à l'enfant nouveau, lorsque la forme saute, celui qui croit à la forme saute avec. Et c'est là le problème. C'est que le parent qui vient dire « Oui, mais tu dois être poli parce que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Alors l'enfant va lui dire « Oui, mais tu me dis de ne pas être hypocrite, tu me dis d'être poli. » Être poli, c'est être hypocrite. Parce qu'être poli, ça veut dire l'inverse de ce qu'on pense. C'est donc être hypocrite. Là, le parent qui a toujours maudit l'hypocrisie, mais toujours adoré la politesse, essaie d'expliquer ça. Il a raison, le petit orieux. Alors ce qui fait que la forme sautant, celui qui accrédite la forme saute. Le parent va dire, tu devrais aller à la messe, par exemple, tous les dimanches. Lui, s'il commence à s'intéresser pour voir, pour goûter à cette forme. Est-ce une réalité l'obligation d'aller à la messe? Ou est-ce une illusion de la psychologie insécurisée de l'humain? Alors, l'enfant nouveau va aller à la messe et là, va observer. Cela veut dire qu'il n'observera pas le prêtre, qu'il n'écoutera pas le prêtre, qu'il va observer la messe. Il va observer ce qui se passe, de quelle façon les gens rentrent, de quelle façon les gens sortent, pourquoi les femmes gardent leur chapeau et pas les hommes. Il va observer à genoux, debout, assis. Il va observer la quête. Il va observer plusieurs choses. Mais l'enfant nouveau, lui, va mettre 5 cents et prendre une pièce dans le chapeau pour observer, voir si le bonhomme qui vient quêter vit ce que l'autre dit en avant. Mais là, il va se rendre compte que le bonhomme ne vit pas ce que l'autre dit en avant. Alors, c'est ça qui est le problème avec l'enfant nouveau par rapport à l'homme ancien. Alors, il peut aussi bien se lever dans l'église, lever la main, mais il y a une question à poser. Mais là, ça se fait pas ici. Oui, ça se fait pas. Ça, c'est une chose qu'on ne dit jamais à un enfant nouveau. Ça ne se fait pas. Tout se fait. Pourquoi ça ne se fait pas? Alors, lui, il veut comprendre, il veut apprendre. Non, tu poseras ça après. C'est dans le moment vivant qu'il veut apprendre, pas dans le moment mémoriel. Donc, c'est tout de suite. Alors, si on veut lui interdire certaines choses, il considère que la forme dans laquelle on l'interdit est une illusion. Alors, la messe, parle-moi-en plus. On va faire la messe buissonnière, comme on fait l'école buissonnière. Mettre un enfant, concevoir un enfant nouveau, cela veut dire laisser la chance à l'enfant déjà au monde de devenir ce qu'il est. Alors, là encore, on reconçoit un enfant nouveau. Donc, deuxième façon de concevoir un enfant nouveau pour l'instant, c'est que l'enfant qui est venu au monde et qui a un caractère d'enfant nouveau, si on essaie de l'écraser continuellement, évidemment, on le tue. Concevoir un enfant nouveau, c'est essayer de le tuer pour que maintenant il puisse devenir. Alors donc, deuxième façon de concevoir un enfant nouveau. La troisième façon, c'est chez vous. Il se trouve que ce que les religions de la planète promettent depuis des millions d'années est en train de germer à l'intérieur de la majorité des humains de l'île de, au moins du Québec. Pour restreindre pour l'instant. Un peu partout sur la planète, mais parlons du Québec. Cela veut dire que lorsque l'humain se fait promettre des choses par des religions, par des morales ou par des philosophies, à un moment donné, il finit par accréditer, donc il croit. Le problème de la croyance, c'est que lorsque la chose promise arrive, on ne veut pas qu'elle arrive. On veut croire que ça va venir. Parce qu'on ne croit pas qu'un jour ça va être là. On croit qu'un jour ça va être là. C'est le problème de la croyance. Alors évidemment, pour que l'enfant nouveau qui est en germination, qui est en gestation chez vous, puisse naître sans souffrance, sans se faire toujours agresser et attaquer et démolir par l'homme et la femme ancienne qui est aussi chez vous, il faut que cet homme et cette femme ancienne comprennent des choses. La partie chez l'humain qui présentement est en train de vibrer différemment, d'une autre corde, sur une autre longueur d'onde, sur une autre octave, elle se fait étouffer par toute la tradition mémorielle, par toute l'éducation qui constitue l'homme et la femme ancienne chez vous. C'est-à-dire que j'ai déjà dit que l'être humain cultivé, et pour la grande majorité d'entre vous, vous êtes cultivé. C'est-à-dire que vous avez appris à être poli, que vous avez appris à laisser votre place, que vous avez appris à ne pas faire ceci, que vous avez appris à faire cela. C'est de la culture. Et la culture, c'est lorsque l'on prend, par exemple, des tomates, et on les cultive pour de façon à en faire un produit qui sera le plus homogène possible, donc le plus semblable possible. Donc l'humain est devenu de la culture d'humain, de la culture d'homme, de la culture de femme. Et ça, c'est l'homme et la femme ancienne chez vous. Cet homme et cette femme ancienne, elle a appris qu'elle devait se fier à ses mémoires. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas appris, tu n'as pas le droit de le savoir. Parce que si tu le sais sans l'avoir appris, tu te prends pour quelqu'un d'autre. Alors lentement, on bâtit l'homme ancien et la femme ancienne en l'inculquant, en lui disant qu'elle doit rester médiocre. Tu as besoin des autres et tu devras rechercher les autres. Tu ne peux pas t'occuper de ta santé. Qu'est-ce que tu connais, tu médecin? Sois malade. Ça, tu peux. Ça, on te permet. Et va voir un médecin. Est-ce que tu dois t'occuper de telle chose ou de telle chose, de telle chose? Non. Es-tu pompier? Es-tu policier? Es-tu ceci? Es-tu cela? Alors, vous n'avez pas suivi de cours. Vous n'avez pas lu. Oh, les autodidactes. Pour qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce qu'il y a un diplôme à montrer? Ça, ça prouve l'intelligence chez l'homme ancien. Mais l'intelligence, il est souvent au niveau de l'homme ancien calculé à partir de la faculté qu'a celui-ci de se souvenir. Eh oui. Autrement dit, si vous apprenez tous la même chose, on va dire que les intelligents sont ceux qui vont s'en rappeler. Mais ce n'est pas un critère d'intelligence, c'est un critère d'intellectuance. C'est un critère de mémorisation. Alors, vu qu'on instruit l'humain que s'il ne peut pas se rappeler que 5 et 5 font 10, ben c'est un niaiseux, c'est un cap. On enseigne ça à l'école. Et si l'humain n'a pas les bonnes notes, c'est quoi un examen? Un examen, on amène 100 questions et c'est toujours au niveau mémoriel. Sauf la mathématique, quelque peu la mathématique, parce que lorsque l'enfant est jeune, la mathématique, il l'apprend avec des trucs, donc par mémoire. On ne lui montre pas à comprendre, on lui montre à se rappeler. Alors, ce qui fait que si vous n'avez pas la faculté de vous souvenir, vous êtes catalogué comme des imbéciles ou comme des personnes médiocres dans notre société. Le phénomène de l'homme nouveau, c'est que justement à travers vous tous, vous avez aussi une autre faculté, autre que celle de vous rappeler. Vous mémorisez tout. Et par hypnose, on doit aller chercher sinon vous ne vous rappelez pas. Mais ça, ce n'est pas grave et ce n'est pas ce qui détermine l'humain. Le chien peut se rappeler et l'humain peut se rappeler. Le cheval peut se rappeler. On dit qu'un éléphant a une mémoire d'éléphant. Alors les animaux qui se rappellent sont comme les humains qui se rappellent. Et on dit, dresser un chien, ça va. Avoir un écureuil savant, avoir des chevaux savants, et je dis avoir des humains savants. Donc, c'est l'intellectuance. Mais qu'est-ce qui différencie l'animal de l'humain? Pas l'animal de l'animal humain, et ce n'est pas l'intelligence reliée à la mémoire. La première chose qui différencie fondamentalement l'humain des animaux, donc des animaux humains et des animaux animaux, c'est la faculté qu'a l'humain de savoir des choses qu'il n'a pas apprises. C'est ça qui différencie. Le singe, à la longue, va finir par prendre une feuille pour ramasser de l'eau et boire. Il a fallu qu'il passe par le processus typique à l'homme des cavernes, le processus d'expérimentation. À force de mémoriser, de voir la chose, etc., il finit par mémoriser, donc il finit par intelligencer, si l'on peut dire, que la feuille peut servir pour boire de l'eau. Et là, on va dire que cela, c'est de l'association mémorielle. Et on a toujours différencié l'humain à partir de son cortex associatif. L'animal n'avait pas de cortex associatif, donc ce qu'il mémorisait, il ne pouvait pas le placer d'une façon logique, associer les mémoires pour en créer de l'intelligence. Et on a toujours dit que l'humain était différencié de l'animal pour cela. Le singe a de l'association au niveau mémoriel, comme l'homme. Ce n'est pas ce qui différencie l'homme. Autrement dit, ce qu'on a instruit l'humain dans les écoles et un peu partout est faux. Votre intellectuance est régie par votre faculté de vous rappeler, soit comme les animaux. Mais votre intelligence est régie par la faculté de savoir sans avoir appris. Et ça, les animaux ne le peuvent pas. Mais l'humain le peut. L'homme nouveau le peut. La femme nouvelle et l'enfant nouveau le peuvent, et vous le pouvez. Sauf que chaque fois que vous apprenez sans avoir appris, ce que la petite bribe de savoir instantané que vous avez, vous la comparez immédiatement à vos mémoires, ou vous demandez à un autre, demandez l'opinion d'un autre, ce que vous avez su. Si vous n'avez pas suffisamment de mémoire pour comparer, vous voulez comparer avec la mémoire d'un autre. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Vous voulez comparer avec la mémoire d'un autre. Et étant donné que l'homme et la femme ancienne chez vous accréditent encore, pas pour longtemps, encore plus les mémoires que la vie, alors cette vie peut être détruite parce que écrasée par les mémoires, votre connaissance. Chez vous, présentement, il y a quelque chose qui fait que, premièrement, vous vous déplacez, qui fait que vous recherchez des choses, qui fait que vous... On ne vient pas voir une conférence de Daniel Kemp si on n'a pas déjà un peu d'homme nouveau à l'intérieur. Parce que premièrement, ça fait un an que j'en parle à la radio, donc ceux qui viennent savent un peu de quoi je vais parler. Alors, pas de la façon dont je vais en parler, c'est différent de la radio. Ceux qui me suivent depuis 2-3 semaines ou depuis un mois ou deux ou plus, savent aussi. Donc déjà, ce que je dis résonne à l'oreille de quelqu'un chez vous. Et ce quelqu'un, je ne peux pas l'instruire. Ce quelqu'un, je ne peux pas l'aider. Ce quelqu'un, je ne peux pas y toucher. Ce quelqu'un, c'est vous. Mais vous. Pas ce que vous avez personnalisé de vous. Pas ce que vous avez imaginé que vous étiez. Pas ce que vous exprimez de cette imagination. Le vous que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, que vous avez peur de connaître. Pour la simple raison que ce vous se connaît et se fout de se connaître. Mais la partie chez vous qui veut se connaître est justement la partie illusoire, la partie homme ancien. C'est l'homme ancien qui veut se connaître. Mais pourquoi il a peur de se connaître? Parce que se connaissant, il va découvrir que lui n'existe pas. Que lui est juste un prototype de dessin, une espèce de barbouillis sur un écran, la personnalité. C'est pour ça que l'homme ancien a peur de se connaître. Même si fondamentalement une vibration chez lui lui dit « Connais-toi, apprends à te connaître et tu seras libre. » Mais l'homme ancien comprend que se connaître, alors moi je me connais, je vais donc essayer de découvrir les défauts et les qualités que j'ai chez moi. Ça ne va pas changer le monde. que tu saches tes défauts et tes qualités. Parce que les qualités sont une illusion qui permet aux défauts illusoires aussi de pouvoir exister. Parce qu'il n'y a ni défaut ni qualité. Concevoir un enfant nouveau à partir de vous, cela veut simplement dire instruire l'homme ancien. L'homme nouveau n'a pas besoin d'être instruit. L'homme nouveau sait. Chaque fois qu'à un moment donné, regardez ceci, vous savez que vous vivez. Bon, vous ne le savez pas parce que vous l'avez appris. Vous ne l'avez pas lu dans un livre. Vous le savez. Et si on vous demande de prouver scientifiquement que vous vivez, vous ne pourrez pas. Vous allez dire, oui, j'ai un corps. Qui dit que ton corps n'est pas une illusion? Alors, vous ne pourrez plus parler. Vous n'aurez plus rien à dire. Mais vous n'aurez pas de doute. Vous allez toujours savoir sans pouvoir rien dire. Prouvez-moi que vous pensez. On peut s'amuser longtemps avec certaines preuves. Et ce n'est pas prouvable, mais vous le savez. Pas parce que vous l'avez appris, vous le savez. Vous avez appris à mettre un mot sur le mécanisme de la pensée, mais vous pensiez déjà sans y mettre de mots avant d'apprendre. On vous a dit que ce qui se passait dans vos têtes était de la pensée. On vous a dit que ce qui se passait quelque part était de l'émotion. Mais on ne vous a pas instruit à penser. On peut maintenant vous instruire à penser différemment que vous pensez. Oui, on fait ça dans certaines écoles de pensée. Mais c'est de la philosophie. Mais vous savez, il y a des choses chez vous qui ne s'apprennent pas et qui se savent. Et comment ça se fait que vous le savez? Vous le savez. C'est tout. Mais vous êtes capable aussi de tout savoir et c'est tout. Sauf que votre savoir, vous le comparez à votre connaissance. Automatiquement, vous faites le jeu de l'homme ancien, de la femme ancienne, ce qui fait que la connaissance va étouffer le savoir. Vous interdisant donc, à presque jamais, d'atteindre cette faculté normale de l'homme qui le différencie de l'animal, le savoir instantané, savoir sans expérimenter. Je disais dernièrement que le fait de réfléchir, c'est pas intelligent. Le fait de se demander si l'eau est bonne ou pas bonne, c'est pas bien intelligent. C'est bien plus intelligent quand on le sait. Le fait de se demander combien 4000 entre Montréal et Chicoutimi, c'est pas intelligent. C'est bien plus intelligent quand on le sait. Et l'intelligence, c'est le savoir. Tandis que l'intellectuance, c'est la connaissance. Connais-tu la distance? La personne peut dire « je connais ». Oui, je sais qu'elle va dire « je sais qu'il y a tant de mille ». Mais elle ne fait pas référence au savoir. Certains hommes anciens, certaines femmes anciennes vont dire « Est-ce que le savoir instantané de l'homme nouveau que j'aurai chez moi ressemble à l'intuition? » L'intuition, c'est toujours la coloration d'une connaissance, disons, d'une vibration qui n'a pas été expérimentée par votre ego. L'intuition, c'est toujours la coloration faite par votre ego d'une vibration qui n'a pas été expérimentée par l'ego. L'intuition peut donc être le contact avec une vibration reliée au plan des morts, au monde astral planétaire, donc au ciel, à d'autres individus par télépathie ou par téléphatie. Et l'intuition peut aussi être le contact avec une vibration d'ordre supramental, donc extraplanétaire, d'un savoir instantané. Le problème de l'intuition, c'est que l'intuition est vécue par l'ego. Donc l'intuition est automatiquement vécue par l'homme ancien. Voulez-vous un synonyme d'homme ancien, femme ancienne? Égo. Vous ne savez pas c'est quoi l'égo? Une femme ancienne, un homme ancien. De toute façon, lorsqu'on vient à 2, 3 ou 4 conférences, on finit par comprendre ces mots. Lorsque on vibre l'intuition, on a comme un feeling, une intuition. On a une espèce de sentiment. L'énergie supramentale, donc, de l'Esprit Saint ou du savoir instantané, étant coloré par l'ego, il est maintenant déformé par vos connaissances. Et c'est ce qui tue l'homme nouveau chez vous. Qu'est-ce qui tue l'homme nouveau chez vous? C'est que chaque fois qu'une chose neuve vous pénètre, elle doit traverser un filtre de mémoire. Chaque fois qu'une chose neuve traverse un filtre de mémoire chez vous, lorsque la chose neuve parvient à votre conscience, elle est colorée par ce filtre de mémoire. Donc, ce qui parvient à votre conscience n'est pas purement ce qui est parvenu à vous. Chaque fois que l'homme ancien se pose une question, il essaie de se répondre. Et il bafouille dans sa réponse parce qu'il essaie de coller, d'accoler, de vérifier avec ses mémoires la chose neuve qui tend à l'instruire. Et lorsque l'homme ancien se dit « Oui, mais j'ai eu une réponse, mais qui me dit qu'elle est vraie? » C'est la merde de l'homme ancien. Qui? Il a besoin d'un maître. Il a besoin d'une autorité qui va pouvoir lui dire que c'est vrai ou que c'est faux. Mais on ne peut pas marcher avec l'autorité d'un autre. Pas au niveau du savoir instantané. Le savoir instantané, c'est une vibration. Je dis ceci pour ceux qui ont déjà plus de connaissances à ce niveau, et les autres, ce ne sera pas long, vous allez comprendre, vous allez avoir la même connaissance, c'est que le savoir instantané est une vibration. Moi, présentement, je suis relié à l'intelligence supramentale, donc je suis relié à mon esprit. Ce qui fait que selon la vibration que j'ai besoin par rapport au sujet que je veux traiter ou aux questions que François ou que vous allez me poser, je peux dire des choses. Et dans 2 semaines, je peux dire tout à fait l'inverse, sans qu'intelligemment je me sois contredit. Parce que dans le monde de l'homme, donc dans le monde de la forme, donc dans le monde de l'expression orale, tout dépend du point de vue où on est placé. Tandis qu'au niveau de l'homme ancien, il y a la vérité, qu'on ne peut pas contredire, sinon on détruit la vérité, et il y a le mensonge. Lorsque je regarde un arbre, je peux dire, cet arbre mesure tant de pieds, il y a d'énergie, cet arbre mesure tant de pieds ou cet arbre possède tant de feuilles. Si je dis l'arbre possède 3 886 000 feuilles, cela peut être une vérité. Mais le problème dans le domaine de l'homme ancien, c'est qu'une vérité doit être et doit rester. Alors, qu'est-ce que c'est si l'arbre contient justement ses feuilles? Est-ce une vérité ou un mensonge? On va dire que c'est une vérité. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que l'arbre perde une seule maudite feuille ou qu'une autre pousse, parce que ma vérité aura été tout à fait démolie. Et c'est ça, c'est que la vérité est quelque chose qui ne peut pas être stable. Tandis que la réalité, oui. Ce que je dis aujourd'hui est une réalité dans l'instant présent où mon chronomètre au centième de seconde peut me permettre de le fixer. Et ça n'a pas de valeur 2 minutes plus tard. Alors, lorsque l'homme ancien a un contact avec le savoir instantané, lorsque l'enfant nouveau qui tend à naître chez vous a ce contact, l'homme ancien autour va faire exactement comme lorsqu'il parle à un enfant. Tu te prends pour un autre ou encore... Oui ou non? Qui c'est qui dit que? Qui peut me prouver ou qui te dit ça ou qui t'a prouvé que? La réponse que l'être nouveau qui germe chez vous a n'a d'importance ou d'utilité, pour employer le langage de l'homme nouveau, qu'à l'instant où elle est perçue, cette réponse. Pas plus. Donc, l'homme nouveau qui perçoit cette réponse doit la percevoir dans un réceptacle, l'homme ancien, qui nécessairement ne doit pas se prendre au sérieux. Alors, cela veut dire que vous pouvez vous poser des questions, que vous aurez des réponses et que vous devrez ne pas mémoriser ces réponses, les oublier. Moi, je fais des conférences et je ne sais jamais après la conférence ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé vers 3 ans, ça me créait un maudit problème parce que quand j'allais m'asseoir après, égoïquement, homme ancien, je redevenais et je me disais, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne le savais pas. Alors, je me posais la question typique de l'homme ancien. J'espère que je n'ai pas été trop loin. J'espère que je n'ai pas dit des choses qui pourraient être dangereuses pour les autres. J'espère que je n'ai pas dit des conneries. J'espère que... Ce qui faisait que la semaine d'après, avant une conférence, je me disais, là, il faudra que je fasse attention. Ce qui pourrait donc m'obliger à être de plus en plus médiocre. Sauf que dans certains cas, lorsqu'on est relié à l'intelligence supramentale, ça ne regarde pas l'ego. Lorsqu'on est branché, on est branché. On est branché avec son esprit, donc avec soi-même. Sans coloration de nos mémoires, donc d'hommes anciens. Alors, on ne se pose plus de questions. Aujourd'hui, évidemment, je ne vis plus ça. Je ne me rappelle pas et je ne vois pas l'intelligence de me rappeler pour la simple raison que si l'on me repose une question, j'aurai encore le savoir instantané pour répondre. Vais-je répondre différemment? C'est oui, et ça, c'est sûr. Parce que j'aurai la possibilité, selon la question, selon la façon dont sera posée la question, selon l'énergie de la personne, selon mon énergie propre du moment, d'exprimer l'intelligence supramentale d'une façon nouvelle. On ne peut pas se répéter sans en souffrir lorsqu'on est en relation supramentale. Je ne peux pas m'empêcher de citer que j'ai déjà dit lorsque je répète. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai déjà dit que lorsque l'homme vivait, il le savait. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, je l'ai déjà dit. Je ne peux pas répéter ce que j'ai déjà dit sans le mentionner pour la simple raison que je dois me déconnecter lorsque je veux le répéter. Me déconnectant, je sais que je vais répéter. Et mentalement, je dois accepter d'instruire mon ego que je répète. Et qu'est-ce que ça crée chez moi, ce petit mécanisme qui paraît imbécile et banal? Ça crée simplement que si je dis « je répète », c'est que égoïquement, je m'instruis que je ne vis plus. Je sachant que je ne vis plus, je ne répète pas longtemps. C'est pour ça que c'est souffrant pour l'homme nouveau de répéter, il ne vit plus. Il devient un peu homme ancien sur la corde raide, et là, il laisse des riches choses se répéter, et il instruit le cas avant tout, l'homme nouveau, l'homme ancien, pardon, tu répètes. Et c'est pas long que l'homme nouveau, sachant que l'homme ancien sait que l'homme nouveau répète, qu'il veut revivre. Alors, je me déconnecte de ce que je répète et maintenant, je crée du neuf. Concevoir un enfant nouveau, ça ne regarde donc pas que le jeune, la jeune, qui sexuellement veulent concevoir. Concevoir un enfant nouveau, ça regarde le très jeune qui doit être mis au monde encore une fois par ceux qui l'éduquent ou ceux qui l'empêchent. Et concevoir un enfant nouveau, ça veut aussi dire vous, vous laissez naître. Cela veut dire que vous devez renaître une deuxième fois. Cela veut dire que vous devez être l'accoucheur et celui ou celle qui accouche, en même temps que vous devez être celui qui va être le nouveau-né. Sauf que le problème, c'est que vous ressemblez beaucoup plus à une graine qu'à un corps humain. La mère doit mourir pour que l'enfant vive. La graine doit pourrir pour que la plante sorte. Lorsque je rencontre certains de mes amis qui sont férus de tradition, ils me disent « Je ne peux pas abandonner la tradition parce que c'est grâce à elle que je sais maintenant. Je ne peux pas abandonner la mère qui m'a mis au monde. » Et c'est le problème. L'enfant qui reste attaché à la mère par le cordon ombilical n'a pas de chance de survie à moyen ou à long terme. Je ne parle pas de votre mère biologique. Ça ne veut pas dire de rentrer chez vous ce soir et aller tuer votre mère. Surtout si elle est avec vous ce soir. Cela veut dire que ce qui vous permet de devenir ce que vous allez être ou ce que vous tendez à être, doit mourir. L'échafaud qui construit l'homme nouveau, c'est l'homme ancien. Et une maison auquel on garde l'échafaud est laide. On la voit mal. Pourquoi? Parce qu'on la voit colorée par les pattes de l'échafaud, les planches, le ciment, les morceaux. Il faut éliminer l'échafaud au complet. Au complet. On ne doit pas en garder un seul morceau sous prétexte que c'est grâce à elle que la bâtisse est là. La raison d'être de l'échafaud, construire une bâtisse. La raison d'être de l'homme ancien, construire un homme nouveau. Si l'échafaud veut rester avec la bâtisse, elle sort de sa raison d'être. Donc, elle ne suit plus aucune loi naturelle ou intelligente, elle suit des lois artificielles, des lois traditionnelles, des lois morales ou des lois théologiques. Des lois instruites par l'homme ancien, des lois instruites par l'échafaud. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec un échafaud, souvent, comme dans l'Antiquité, dans les Westerns? On pendait. Alors, c'est ce qui arrive aussi avec l'homme ancien, s'il veut conserver son échafaud. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, l'enfant nouveau exprime la volonté de redéfinir sa vie, là, d'agir suivant sa propre autorité, en dehors justement des schémas traditionnels de la société qui l'a précédé sur la route de l'expérience au mieux de sa connaissance? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cosmiquement que ce phénomène-là se produit? Bon, cosmiquement, premièrement, il faut savoir qu'à l'échelle de notre contexte planétaire, on a suffisamment d'énergie mentale ou intellectuelle qui a été générée par nos savants, les savants de la planète Terre, ce qui crée une mémoire mentale dans le monde de l'astral, donc une mémoire mentale dans le ciel. Autrement dit, ce qui crée une croûte d'intelligence ou d'intellectuance au niveau du ciel. Et cette mécanicité énergétique du mental attire par amour, donc par attraction, une énergie qui est antique, qui est cosmique, comique aussi pour certains, une énergie cosmique, une énergie extraplanétaire, donc qui n'est pas générée par notre planète, énergie qui a toujours circulé à l'échelle de notre planète et qui, présentement, se trouve à être attirée par la faculté, par l'énergie mentale de notre planète. Donc, elle est gobée par la planète Terre et elle est focalisée là où, au niveau géographique de notre planète Terre, on a le plus de densification mentale d'égrégore national, donc au niveau mental. Cela veut dire que tous les pays qui ont une science hautement avancée se voient donc ramasser le gros de cette énergie supramentale. Maintenant, les pays qui ont une science attirent l'énergie supramentale et maintenant qu'elle aura traversé, donc qu'elle aura été focalisée au niveau de ces pays, surtout au niveau du contexte nord-planétaire de notre planète, dans les régions de ces pays où on aura des entités humaines qui auront la faculté de s'anégoïser, donc lentement de ne pas avoir d'ego, ou qui auront génétiquement un cortex cérébral qui leur permettra de vibrer, parce que les axones, les neurones, enfin, le constituant des cellules sont des constituants de carbone, d'oxygène et d'autres minéraux, d'autres atomes, et ils ont une vibration particulière. Cette vibration crée un champ. C'est-à-dire que si je prends un diapason, je le frappe, la vibration moléculaire dedans crée un son. C'est un chant. Bon, alors, le corps physique vibre aussi, il chante. Maintenant, je emploie le mot chanter pour, évidemment, faire une correspondance. Nos oreilles ne peuvent pas l'entendre exactement comme on n'entend pas les micro-ondes, comme on n'entend pas la lumière. On doit la voir parce que nos yeux perçoivent une vibration plus haute que les oreilles. Mais ça reste un chant. Lorsque les neurones, donc lorsque la génétique biologique des parents à la longue, on raffine le corps physique, on a des corps plus manipulables, plus fins, plus amincis, peut-être moins durables, c'est-à-dire moins endurables, moins renforcés, mais de plus en plus efficaces. Alors, on a une évolution génétique. Les enfants qui naissent ces temps-ci ont aussi une évolution neurogénétique, ce qui met en vibration leurs axones, la correspondance atomique de la constitution neuronique avec... Ça crée un champ de vibration qui attire l'énergie supramentale qui aura été canalisée par le contexte national. Donc, les enfants qui naissent ont une vibration qui leur permet d'entrer en résonance avec quelque chose qui laissera une trace fondamentale chez eux, une chose qui pourra s'appeler la vie. C'est-à-dire que l'enfant nouveau se doit, il n'a pas le choix, il est conçu comme ça, il se doit d'expérimenter tout en fonction de la vie. Tandis que l'homme ancien ou l'enfant ancien, il pouvait expérimenter en fonction de la mémoire. Donc, expérimenter en fonction de l'apprentissage, en fonction de la connaissance. Tu m'amènes des choses, ça fit dans ma mémoire, clique, ça crée des liens. Ah, ben ça a de l'allure. Mais chez l'enfant nouveau, non. Tu m'amènes de quoi? Ça fit dans ma mémoire, clique. Maintenant, j'aimerais voir, vérifier, le vivre. C'est-à-dire, pour l'homme ancien, pour l'enfant ancien, il y a la naissance, la vie et la mort. La mort est une stupidité pour l'enfant ancien, pour l'homme ancien aussi. Tout le monde trouve stupide de mourir. C'est pour ça qu'on invente les ciels ou la réincarnation. Alors, lorsque l'enfant ancien apprend qu'il y a le paradis, qu'il y a le ciel, qu'il y a un monde après la mort ou qu'il y a la réincarnation, pour l'enfant ancien ou pour l'homme ancien, c'est dans ses mémoires et ça peut... Ah, OK. Oui, c'est moi, je crois à ça, moi. Bon. L'enfant nouveau, lui, il trouve stupide la mort, il se trouve stupide même la naissance. Il ne se suicide pas pour autant parce que la mort étant stupide, il reste vivant tant qu'à être là. Bon. Sauf que si on lui dit il y a le paradis ou il y a la réincarnation, ça va faire aussi les liens dans sa mémoire, il va dire ah ben oui, effectivement. Mais il n'y a qu'une chose, c'est que pour savoir si c'est vrai, oui, l'enfant nouveau a besoin de savoir si c'est vrai, même si dans sa mémoire, ça crée une résonance. Oui, mais maintenant, pour pouvoir le vérifier, pour le savoir, il va falloir que je meure. Mais si je meurs, mais savoir, je vais pouvoir comprendre la suite, mais je ne saurai plus la vie. Alors, il ne se suicide pas. Tant qu'à être dans la vie, moi, vive. Qu'est-ce qu'il va finir par légiférer? Il va se dire que ces questions d'après-vie sont sans importance parce que présentement, ingoûtables, invivables. Alors, on oublie. Oh, la réincarnation, oui, ça me plaît, ça me permet de bien dormir, c'est merveilleux, etc. Bon, mais on s'en fout. L'homme ancien va donc être capable, lui, de goûter. Il va être capable de se donner l'illusion d'apprendre à la vie par apprentissage mémoriel. Tout ce qu'il ne comprend pas, tu peux par la parole lui donner des choses, lui donner un livre, des choses comme ça, et ça crée des liens dans sa mémoire. Et là, ah! Tandis que l'enfant nouveau va dire, ah, ouais. Mais maintenant, ça, c'est une théorie, hein? C'est un concept. Mais ça ne peut pas être une vérité. Tout ce qui vient de la mémoire de l'enfant nouveau ne peut pas être une vérité parce que la vibration de ces neurones le place en beaucoup plus grande affinité avec l'instant immédiat, donc avec la vie, qu'avec ses mémoires. Donc, automatiquement, l'enfant nouveau est instruit par l'extérieur et à l'intérieur de lui, il y a une force fondamentale, la vie. On peut aussi appeler ça une force divine pour ceux qui voudraient, qui le force à expérimenter dans l'instantanéité. Cela veut dire, pour prendre un mot plus ajusté, ce n'est pas de l'expérimentation instantanée, on n'expérimente jamais instantanément, cela veut dire vivre. Il doit donc obligatoirement vivre ce que ses mémoires tendent à instruire comme réalité. Vu qu'il va goûter à la longue s'il est laissé libre, que la vie l'instruit, il va évidemment vouloir fuir l'école, fuir les livres, fuir ceci, fuir ce ça. Il ne sera pas intéressé par rien de ça, pour la simple raison qu'il goûte le fait qu'il n'en a pas besoin. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? On m'a souvent posé la question, moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme travail? Alors, quand j'étais haut comme ça, je voulais être policier. Haut comme ça, pompier, prenez plus grand. Bon. Haut comme ça, médecin. Et haut comme ça, je ne savais plus. Alors, j'ai passé des tests d'aptitude pour savoir non pas ce que j'aimerais, mais un peu, mais surtout les affinités que j'avais pour l'instant. Et on m'a dit, faudra que tu travailles dehors avec du monde dans du sport. Pas mal bon. Alors, j'ai été dans un camp de vacances. J'ai pas eu le travail que je voulais. J'étais assistant chef de camp, ce qui fait que je travaillais avec du monde, mais pour régler les problèmes. Je travaillais pas dehors, je travaillais en dedans, etc. Et à un moment donné, j'ai tout laissé ce que j'étais en train d'étudier et ça ne vibrait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait plus tard? Ben, j'ai toujours fait ce que je raisonnais pour. J'allais compter des menteries là où il fallait pour travailler. On m'engageait pensant que j'étais bon. Et j'étais bon comme j'avais compté des menteries. Alors, ce qui fait que je n'avais pas compté de menteries. J'étais bon. Ça allait. Bon, lorsqu'on avait besoin de diplômes, ben, si je voulais rester, j'allais chercher les diplômes. C'est-à-dire que j'allais faire les cours, je passais les examens. J'allais premièrement têter pour leur dire, « Peux-tu passer les examens tout de suite sans suivre les cours? » Si je coule les examens, je suivrai les cours. Mais ça se fait pas, c'est compliqué pas mal. C'est... Oui, mais tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, ils vont couler, fait qu'ils vont recommencer. C'est pas grave. Oui, mais tu sais, les équivalences, tu peux pas en passer si t'as pas suivi. Mais oui, mais crime, essayez-les. Si ça marche pas, vous risquez rien. Si ça marche, on règle tout. Non, parce qu'on ne pouvait pas souffrir. Le fait qu'un gars qui n'a pas appris passe aux examens. Bon, ça faisait bizarre. Alors, j'ai suivi les cours et puis après ça, j'ai l'abandonné. J'ai toujours été chercher ce qui vibratoirement j'avais besoin. Et l'enfant nouveau va fonctionner de la même façon. Qui va créer l'avenir? Les enfants. Alors, si tous les enfants pensent de la même façon, ah, l'avenir ne sera pas rose. Pour qui? Pour vous, pas pour eux autres. Il va être ajusté à eux autres. Ils vont le bâtir à eux comme eux autres. Nous, présentement, qu'est-ce qu'on fait de notre société? On essaie de continuer, on persévère dans l'entretien de ce qu'on nous a donné. Mais est-ce qu'on nous a donné va réellement avec ce qu'on a besoin? On ne s'est jamais posé la question, on n'a pas le temps. Ça prend trop de temps à entretenir ce qu'on a hérité. Alors, oui, mais toi, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, on est 6 millions, ouais, 12 ans. Si on pense tout pareil, plus tard va être ajusté à nous autres. Hey, ça va de soi. J'ai mon jeune frère qui présentement a 18 ans, qui lui avec l'école, bon, mais il peut programmer un ordinateur comme il veut, il le démonte, il connecte d'autres choses, il fait, bon, ben oui, il n'est pas appris. Mais lorsqu'il a besoin, il le fait. C'est normal, c'est logique. Alors, on ne se pose pas de questions. Sauf qu'au niveau de l'homme ancien, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que vous devez changer du jour au lendemain. D'ailleurs, vous ne pourrez pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas question de vouloir ou de... etc. C'est question de pouvoir. Voulez ce que vous pouvez. Bon, comme j'écris dans mon livre La Différence, c'est ça, c'est que pour l'homme nouveau, pouvoir, c'est vouloir. Pour l'homme ancien, vouloir, c'est pouvoir. Mais on peut constater que l'homme ancien, tout ce qu'il veut, ça marche, puis il peut pas. Voilà, puis il continue quand même. Alors, voilà. Lorsque l'enfant vibre donc cette gustation de la vie, lorsque l'enfant a besoin de maître, il va à l'école et là, on lui montre la géographie. Oui, mais plus tard, ça va être utile. Là, tu le barres bien raide, plus tard. Mais aujourd'hui, tout de suite, on ne pourrait pas plutôt aller jouer au baseball. Oui, mais ça a d'importance, la géographie. Pourquoi, quand je suis rentré dans ce fichu école-là, je me suis jamais perdu? Bon, c'est pas parce que toi, quand tu étais jeune, tu te perdais tout le temps qu'il faut que tu nous obliges à apprendre à s'orienter. Quand j'irai en Afghanistan, j'apprendrai dans l'avion, tu sais, je m'instruirai. J'ai pas besoin tout de suite. Mais les hommes anciens ont dû devoir passer par là, fait qu'on se dit, nous autres, il fallait qu'on le fasse, pourquoi les autres le feraient pas? Et c'est con. Parce que juste avant nous autres, on n'avait pas de four micro-ondes, hein, on n'avait pas de four auto-nettoyant, on repassait avec 3-4 fers qu'on faisait chauffer sur les ronds. Alors, si les parents seraient dit, alors moi j'interdis toute la nouveauté à mes enfants parce que moi j'ai été obligé de faire ça, d'avoir 15 ou 20 enfants, alors pourquoi pas eux autres? Mais plus les parents veulent faire ça, plus on crée ce qu'on appelle les fossés entre les générations. Et c'est toujours l'adulte qui crée le fossé avec l'enfant. L'enfant ne crée pas de fossé. L'enfant, il vibre avec n'importe qui. Avec grand-papa, si grand-papa ne l'achale pas. C'est-à-dire que si grand-papa ne vient pas lui dire, il faut que tu appelles ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, il n'y aura pas de fossé. Mais à l'instant où l'adulte veut absolument obliger l'enfant à devenir ce que l'adulte n'a pas pu être, ben, veut pas, ça crée un fossé parce que l'enfant, il, d'instinct, veut être lui. Mais on l'éduque rapidement à être autre chose. L'enfant nouveau, on ne peut pas l'éduquer à être autre chose. Alors, on en fait un monstre, on en fait un rebelle, on en fait un déprimé, on en fait un Walkman, on en fait une chose comme ça pour la simple raison qu'il ne peut pas vivre dans un monde où on interdit la vie. Je veux expérimenter. Non! Bon, il faut donc que j'expérimente dans mes mémoires. Oui! L'enfant nouveau ne peut pas vibrer ça. Et de plus en plus chez vous, quand je parle d'enfant nouveau, rentrez ça dans votre tête. Éduquez votre homme ancien que je parle aussi de tout ce qui chez vous veut vivre. Je vous montre des photos d'Acapulco, appelé Cacapulco par les Mexicains. C'est beau, c'est trippant. Celui qui a peur de vivre de quoi va se contenter des photos. Mais celui qui a encore un peu de vie chez lui, à un moment donné, va vouloir connaître des choses. C'est pas suffisant. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'homme nouveau qui naît dans les hommes anciens. Et vous avez tous un enfant nouveau chez vous. Et que l'enfant soit biologique, que l'enfant soit n'importe quoi, c'est la même consonance vibratoire. Vivre. Pas exister, pas se rappeler qu'on a vécu. Pensez-vous que vous êtes capable de vivre sans avoir la certitude que vous avez vécu? Et que vous allez vivre. Si oui, vous vivez. Sinon, vous existez. Et l'homme ancien a ses mémoires et il a besoin d'être sûr qu'il va au moins vivre jusqu'à demain. Il existe. Il ne peut pas goûter à la vie, il est toujours dans la peur de la perdre ou dans la peur de l'oublier. Bon, alors, les photos. Pour oublier son passé, les dessins, les cheveux de son enfant, les ongles de pouce, les ici, les ça, les empreintes de fesses. On veut tout conserver pour se rappeler qu'on a vécu. Parce que sinon, merde! Aujourd'hui, je m'amusais, je fouillais dans un classeur gros comme ça que j'avais depuis longtemps, j'ai pas fouillé. Et puis quand j'ai fini, le classeur était gros comme ça. Alors j'ai jeté un paquet de choses qui m'ont... Bon, des vieux diplômes, des ceci, des cela, des photos, un paquet de cossins que jamais je regardais. Ça prend tout le bord des poubelles, et puis moi, je me sens mieux. D'ailleurs, tu me suis sans doute un peu. Il y a des choses que tu veux justement toi aussi rejeter. Et c'est tout à fait normal, ça te permet de naître. Bon, c'est une peau que tu arraches. Hein? Une mutation. Mu, comme les serpents. Ou comme ceux qui n'aiment pas les serpents parce qu'ils vont dire, ah, le serpent, c'est le diable, donc l'homme nouveau, c'est le diable. C'est un bon diable, oui. Oui. On mue, il faut arracher des mémoires. L'homme nouveau, il est L'enfant nouveau est dans un cocon et le cocon, c'est l'homme ancien. Et le cocon se dit, « Mais tu ne pourras pas vivre sans moi parce que tout le temps que tu as germé, c'est grâce à moi. » Prenez un œuf avec un poussin. C'est grâce à l'œuf que le poussin peut grandir. Mais quand le poussin est rendu assez gros, c'est grâce à l'œuf que le poussin va mourir si l'œuf ne casse pas. N'est-ce pas? C'est ce que l'homme ancien fait. Il tue l'homme nouveau. Il tue l'enfant nouveau. L'œuf, génial, merveilleux, extraordinaire. Le blanc de l'œuf, c'est impeccable. Le jaune, c'est l'enfant nouveau. Et le jaune va se nourrir du blanc, va être protégé par la coquille, va avoir un petit peu d'air en haut. Mais à un moment donné, le jaune n'est plus le jaune. Et si la coquille se dit, j'ai encore un beau jaune d'œuf, bien du blanc d'œuf, elle ne se connaît pas. Elle n'a plus de blanc d'œuf et de jaune d'œuf, elle n'a même plus de blanc, plus de jaune, elle a un poussin qui maintenant veut sortir, prendre plus d'air, il étouffe. Et la coquille se dit, non, moi, je veux me connaître. Ben, elle ne veut pas se connaître parce que si elle s'observe, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle connaît d'elle, c'est plus ça pantoute, c'est plus là. Il y a une autre forme, un monstre. Et un poussin, ça ne ressemble pas à un jaune d'œuf, hein? C'est un monstre. Puis là, ça commence à taper. Pac, pac, pac. Puis la coquille résiste, puis elle résiste, puis elle résiste. Puis l'orgueil se dit, moi, je suis fait puissant. Moi, on ne peut pas me manipuler comme ça. Moi, je crois à ça. Moi, je ne lâcherai pas si vous pensez que... C'est ça, tu as le dernier à casser. Bon. Puis à un moment donné, ben, veut pas, ça éclot. Mais quand ça éclot, ben, l'œuf, la coquille, si elle vit, rendue à ce moment-là pour faire la correspondance, ben, elle souffre en maudit. Briser des formes, c'est ça. Alors, l'enfant nouveau, à l'intérieur de vous, est un être assoiffé. Mais pas assoiffé de jouissance, assoiffé de ci, assoiffé juste de vie, de savoir. Fin. Alors, concevoir un enfant nouveau, ça veut dire instruire l'homme ancien. Ça veut donc dire, deux hommes anciens doivent être instruits s'ils veulent enfanter un enfant nouveau. Cela veut dire que les parents, les éducateurs et la structure sociétaire ancienne doivent être instruites pour que les enfants nouveaux ne soient pas écrasés et étouffés. Et cela veut dire que l'homme nouveau chez vous doit permettre l'instruction de l'homme ancien chez vous, si celui-ci veut naître aussi. Dans tous les cas, instruire l'homme ancien. Instruire l'homme ancien. Comment on instruit l'homme ancien? Moi, je te laisser poser la question, c'est toi qui pose la question. Je voulais, avant de passer à l'instruction de l'homme ancien, qu'on pourrait conserver pour la deuxième partie, parce que c'est toute une affaire, ça. Pas de problème. Pour terminer avec l'enfant nouveau, tu as donc décrit l'énergie qui était à la source de cette mutation, qui en somme était disponible depuis toujours, mais c'est nous qui ne l'étions pas disponibles, qu'on n'entendait pas ce chant-là en question. Maintenant, est-ce que les enfants qui vont passer par cette mutation, est-ce qu'ils vont développer de nouvelles facultés? Et quelles seraient ces facultés-là? Bon. Parce qu'il va falloir s'adapter à ça aussi. Oui. Premièrement, il faut comprendre que l'enfant nouveau ainsi que l'homme nouveau ne recherchent pas les symptômes de l'évolution. Tandis que l'homme ancien recherche les symptômes de l'évolution parce qu'il croit toujours que l'habit fait le moine. L'enfant nouveau va premièrement psychologiquement être capable de décoder, donc de démasquer la personnalité des autres. Il va donc être capable de briser les barrières de protection que l'homme ancien s'est toujours placé. Comme faculté intrinsèque à l'enfant nouveau qui n'est plus étouffé, il aura donc la faculté d'apprendre ou de comprendre presque instantanément tous les mécanismes. Il aura la faculté d'être bien, d'être à l'aise partout. Il aura la faculté de ne jamais connaître la souffrance, l'ennui, le malheur ou ces choses-là. Il aura aussi la faculté de contrôler son corps vital. Qu'est-ce que c'est contrôler son corps vital? L'énergie supramentale ou l'énergie de ce rayon qui est extraplanétaire parce qu'il n'est pas émis par l'être humain pour l'instant. À un moment donné, il sera tout à fait intégré à l'échelle planétaire, donc il sera une énergie planétaire. L'énergie supramentale, c'est la même chose que l'énergie vitale éthérique planétaire. Donc, c'est la même chose que l'énergie vitale qui anime l'être humain et qui est connue des acupuncteurs. L'énergie vitale, elle a la fonction chez l'homme nouveau de pouvoir être exprimé sans coloration, donc sans déformation, c'est-à-dire que l'homme nouveau ou l'enfant nouveau aura la faculté de puiser à même le réservoir supramental pour pouvoir transmuer cette supramentalité énergétique en éthérique vital, donc en magnétisme humain. Ce qui fait, premièrement, qu'il ne subira pas nécessairement le processus de vieillissement, comme on a vu dernièrement, et ce qui fait aussi qu'il aura la faculté de pouvoir transfuser de l'énergie vitale où bon lui semblera. Si on veut faire référence à un individu qui a été supramentalisé à un moment donné, on peut faire référence au Nazaréen, qui est relativement connu dans cette assemblée. Le Nazaréen avait donc la faculté de guérir. Et l'homme nouveau a donc la faculté de guérir. Le Nazaréen avait la faculté aussi de faire germer les choses. L'homme nouveau aura aussi la faculté de faire germer les choses. De concevoir une idée dans le plan mental, cette idée, elle est vaste, elle est subtile. De baisser la vibration de l'idée pour la rendre émotive, là, tu triples l'idée. De la baisser encore plus pour la rendre vitale, il faut un peu plus de densification pour créer. Alors, tu peux prendre de l'eau, transformer en vin, ça te plaît, ou prendre un poisson et le multiplier, mais en fin de compte, on n'a pas besoin de prendre de poisson. On crée simplement ce qu'on a besoin. Si on parle de l'homme nouveau tel qu'il sera lorsqu'il sera finalisé dans un contexte planétaire qui sera finalitaire, à l'échelle de cette race, évidemment, ce n'est pas finalitaire au niveau de l'expérience évolutive, on aura donc un être nouveau qui aura toutes les facultés ou tous les symptômes de l'évolution que tout ce que l'humain a jusqu'à date été instruit. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer peut être accompli par l'homme nouveau. Si on parle de lévitation, oui, marcher dans les airs ou marcher sur les eaux, tout ce que l'être humain ancien a dans ses mémoires, il ne l'a pas inventé, l'homme ancien n'invente jamais rien. Êtes-vous capable de penser une chose que vous n'avez jamais connue? Non. Alors, pour qu'on parle de lévitation, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de multiplication des pains, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de guérison, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de double éthérique ou de corps lumineux, il a fallu qu'on le voie. Tout ce qui a été vu, elle va être aussi vécue par l'homme nouveau. Ça va s'échelonner sur combien de siècles, d'années? Oui, ça va s'échelonner sur combien de siècles. Je suis d'accord avec la question parce que la réponse fait aussi référence à des siècles. Quand on parle de la collectivité planétaire. Maintenant, si on parle d'humains, d'ici quelques 10 ans, on aura déjà des humains qui feront dresser les cheveux sur la tête de tout le monde. On n'aura même plus besoin de mettre de la colle ou de la... Ça va tenir tout seul. Quel genre de communication peut-il y avoir entre le fœtus et la mère, par exemple? Bon, ce qui est intéressant de constater, enfin, les mères qui portent un enfant nouveau l'ont sans doute constaté, c'est que normalement, lorsqu'une mère porte un enfant ancien, la relation entre la mère et l'enfant peut, disons, perturber ou instruire l'enfant. C'est-à-dire que ce que va vivre la mère peut influencer l'enfant. En ce qui concerne l'enfant nouveau porté par la mère, c'est plutôt l'inverse. La mère aura des phénomènes qui viendront de l'enfant nouveau. Cela veut dire que la procédure normale que devrait suivre une femme lorsqu'elle a un enfant, selon la normalité, c'est-à-dire que si elle va suivre un cours de maternité, bon, elle va suivre un cours de prématernité, alors elle apprend ce qui peut arriver lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on porte un enfant, des certaines choses, des sautes d'humeur, des ceci, des cela. Il y a de fortes chances que lorsque la femme portera un enfant nouveau, que ce ne soit pas nécessairement la même chose. Qu'elle vive des mécanismes qui sont tout à fait énergétiques, des suctions d'énergie ou encore de l'information, de l'instruction. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est amusant. Pas peur, hein? C'est amusant. C'est que l'enfant nouveau lui-même, déjà lorsqu'il sera à l'état de fœtus, commencera déjà à s'amuser avec la mère. Tandis que normalement, l'enfant ancien attend après sa naissance. Alors la mère va avoir des suctions d'énergie qui vont de temps en temps la mettre complètement à terre, mais pas pour une heure ou deux, mais ça peut être très long. Elle aura en même temps le feeling énergétique qu'il n'y a rien d'anormal, n'a pas de médicaments à prendre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Elle vivra des étapes émotives où elle n'aura plus d'émotion. Alors, elle sera hautement perturbée par l'énergie qui descend attirée par le fœtus en croissance. Plus l'enfant sera, disons, proche du terme de la naissance, plus la mère aura un contact avec une intelligence qu'elle ne connaît pas si c'est une mère qui n'a pas l'expérience de l'intelligence supramentale. Cela veut dire que l'enfant qui est porté par une mère normale obligera la mère à entrer en contact supramental, c'est-à-dire à entrer dans une phase intuitive supramentalisée qui, évidemment, pourra être tout à fait colorée par la femme ancienne si elle n'est au courant de rien, c'est-à-dire si elle n'a pas de processus évolutif mental, bref, si elle n'est pas dans une phase de conscientisation. Mais veut pas, la mère sera transportée là où l'enfant doit être amené pour que l'énergie puisse faire l'œuvre qu'il doit faire dans le sein de la mère. La mère ne peut pas ignorer ce qui va arriver à l'enfant au niveau de sa croissance fœtale à l'intérieur même de la mère. Donc, dépendant de la qualité physique de l'enfant, la mère pourra vivre des processus énergétiques qui ne sont pas inhérents à sa propre évolution, mais qui de toute façon obligeront une évolution nouvelle ou plus rapide ou une évolution saltatoire de la mère par le fait même qu'elle porte un enfant nouveau. Alors, ce n'est plus la mère qui va influencer l'enfant, ce sera beaucoup plus l'enfant qui va influencer la mère. Maintenant, on parle au niveau, disons, vital, astral, mental et supramental. Si on regarde au niveau physique, évidemment, l'enfant ne peut pas influencer la mère plus qu'un enfant normal parce que le corps physique est similairement le même, sauf au niveau de la gestion programmative des neurones, donc du cerveau. Par contre, évidemment, la mère qui fume va un peu influencer l'enfant. La mère qui se drogue peut influencer l'enfant. La mère qui tombe ou la mère qui a des accidents peut un peu influencer l'enfant. Tandis que la mère qui vit des contextes émotifs relativement douloureux ne peut pas influencer l'enfant. Donc, la mère qui est en chicane, la mère qui vit de la mortalité de son mari, la mère qui vit des contextes émotifs n'influencera pas la gestion évolutive ou conceptuelle du fœtus chez elle. Tandis que l'enfant ancien, normalement, peut sortir traumatisé d'une gestation qui aura été émotivement perturbée. L'enfant nouveau, non. Toucher un peu cette question-là. Durant une grossesse, que fait le fœtus des différentes expériences vécues par la mère? De quelle façon la femme peut-elle agir pour intelligencer ces expériences ou empêcher qu'un effet nocif arrive jusqu'au fœtus? Bon. L'effet émotif peut influencer le corps de l'enfant nouveau, c'est-à-dire que si l'effet émotif chez la mère enclenche une transformation ou une transposition de l'effet émotif dans son plan physique, évidemment, ça peut là influencer l'enfant. Alors, prenons l'exemple d'une mère qui aurait subitement peur ou qui aurait peur régulièrement. Si chaque fois qu'elle a peur, elle a suffisamment peur pour que le système endocrinien se mette en marche de façon à exprimer la peur, alors automatiquement, au niveau de la circulation des hormones par le sang, le fœtus sera hyper nourri d'hormones lui aussi, d'hormones qui normalement devraient instruire son corps à vivre les mêmes plans émotifs que la mère. Donc, normalement, le fœtus saura que la mère a peur parce que les hormones qui, maintenant, nourrissent son corps, stimulent la peur dans son corps. Prenons l'exemple de l'adrénaline. Chaque fois que la mère sécrète un taux élevé de catécholamine, disons d'adrénaline, bien évidemment, le fœtus est nourri par le sang de la mère. Donc, il goûtera lui aussi à cette accélération ou à cette augmentation d'adrénaline dans le sang, quelles que soient les hormones qui seront sécrétées, quelles que soient. Alors, automatiquement, le fœtus peut avoir une altération physique, mais il ne peut pas avoir d'altération au niveau de son plan émotif, c'est-à-dire que même son corps physique, s'il commence à vivre la peur, à l'instant où on a des récepteurs spécifiques à l'adrénaline, par exemple, qui vont être stimulés. Lorsque le corps physique est suffisamment évolué au niveau de l'enfant pour avoir des récepteurs adrénergiques, donc récepteurs qui vont être stimulés par l'adrénaline, l'enfant va donc être capable de copier, c'est-à-dire de recevoir le fait qu'émotivement, sa mère vit de la peur. Évidemment, il n'a pas de conscience suffisamment évoluée chez lui pour pouvoir dire « ma mère a peur ». Sauf que vibratoirement, la correspondance vibratoire physique par le fait que le corps vit un état ne pourra pas venir s'imbriquer dans l'évolution vibratoire de la psychologie de l'enfant. Donc, l'enfant ne pourra pas être coloré par la peur de la mère au niveau du plan psychologique ou astral, ni au niveau du plan mental, mais il pourra être altéré à la longue par un excès d'hormones émises par les sécrétions dans le sang de sa mère. Donc, à la longue, évidemment, corporellement parlant, l'enfant peut sortir perturbé, mais il ne sera pas perturbé au niveau psychologique par la vie émotive de sa mère. Si l'on veut avoir une réponse peut-être terre à terre, moins la mère sécrétera d'hormones au niveau de son système endocrinien, d'hormones reliées à l'expression de la psychologie, moins le bébé, donc moins le fœtus, qu'il soit ancien ou nouveau, n'aura d'altération. Sachant que l'enfant ancien aura des altérations au niveau d'ordre psychologique, vibratoire, c'est-à-dire qu'il pourra expérimenter mémoriellement ce que la mère vit déjà, ce qui le mettra en confrontation avec le monde extérieur qu'il ne connaît pas, ce qui évidemment crée des traumatismes, disons, pré-naissance, et qui vont évidemment s'exprimer par la suite. Tandis que l'enfant nouveau peut, s'il y a des cadences physiques, une usure prématurée, par exemple, du corps physique, reliée à une hypersécrétion d'hormones, différents types d'hormones, peuvent amener l'enfant à avoir des problèmes physiques, mais pas d'ordre psychologique. Moi, la mère vit de phénomènes émotifs qui engendrent une expression du corps astral par le corps physique, par sécrétion d'hormones. Donc, moi, la mère vit d'accélération cardiaque reliée à l'émotivité. Si la mère court, la mère sécrète des hormones, par exemple, ou si, bon, il n'y a pas tellement d'hormones de sécréter, mais si son cerveau, son bulbe rachidien, par exemple, émet des ordres, des informations pour que le cœur s'accélère, pour que la respiration s'accélère, si le cervelet se met à fonctionner, si tout ça marche, ça n'influence pas l'enfant. Par contre, si c'est au niveau émotif. Alors, au niveau émotif, l'être humain émet différentes formes d'hormones qui permettent l'expression astrale par le biais du corps vital dans le corps physique. Et chaque fois que l'être humain a émotivement une réaction physique, c'est très facile à comprendre, émotivement, si vous avez une réaction physique, sachez que physiquement, l'enfant a aussi la même correspondance parce que ce qui crée votre réaction physique est hormonal, donc transmis par le sang, c'est-à-dire que l'hormone, les glandes endocrines sécrètent leurs hormones directement dans le sang. Le sang nourrit le bébé. Donc, plus la mère a de phénomènes émotifs exprimés par une correspondance à son propre physique, des rougeurs, des ceci, des cela, des transpirations, des empêchements de dormir, des tremblements, enfin, tout ce qui pourrait normalement être exprimé au niveau endocrinien, évidemment, le fœtus est nourri de ça. Moins, plus on fait attention, mieux c'est, à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on a une émotion où on se met à transpirer, ou qu'on a honte, ou on a ceci, ou on a cela, que veut pas, on détruit le fœtus, on ne détruit pas le fœtus. Sauf qu'on parle de... On pose une question, qu'est-ce qui pourrait nuire, par exemple? Alors, l'hyperstimulation hormonale va nuire, ça va tout. Jusqu'à quel point l'alimentation est-elle importante durant la grossesse? Bon, sachez une chose, c'est que l'alimentation est surtout importante pour la mère et non pas pour l'enfant. Parce que l'enfant va se nourrir avant la mère. Donc, si la mère prend la même quantité si la mère donne à l'enfant ce que l'enfant a besoin, la mère sera maigrichonne, laide, flétrie, elle sera pas bien. Mais l'enfant va être bien. Si la mère ne se nourrit pas suffisamment pour nourrir l'enfant, l'enfant va aussi en souffrir. Là, on parle de malnutrition. Mais ici, on n'est pas comme tel mal nourri en fonction de la quantité. On peut être mal nourri en fonction de la qualité, mais ça, c'est autre chose. L'enfant a besoin des constituants de la mère. La mère étant celle qui va digérer et non pas l'enfant, automatiquement que la mère mange de la viande, des légumes ou quoi que ce soit, l'enfant n'aura que le constituant non astralisé, c'est-à-dire moléculaire, de sa nourriture. Cela veut donc dire que karmiquement ou évolutivement parlant, qu'une mère mange de la viande ou qu'elle mange des légumes, des patates, des fruits, des choses comme ça, ça ne change rien au niveau du plan évolutif ou du plan réincarnationnel de l'enfant. Par contre, plus la mère prend des toxines qui ne sont pas éliminées par son corps, plus l'enfant va devoir vivre avec ces toxines. Mais normalement, encore une fois, la mère va éliminer suffisamment les toxines. Elle peut en souffrir, tandis que l'enfant à peu près pas. L'alimentation doit être faite en fonction de la corporification de l'enfant. Cela veut dire que l'alimentation doit être faite en fonction des minéraux, en fonction des vitamines, en fonction des protéines qui sont nécessaires à la gestation d'un enfant. Donc, on mange un peu plus que normalement et on essaie de manger équilibré en ce sens. De toute façon, il y a suffisamment d'informations qu'on peut aller chercher. Chose certaine, c'est que si la mère se porte bien, l'enfant est bien nourri. Alors, si on ne veut pas lire, on n'a qu'à s'écouter, ce que ferait normalement une femme nouvelle. Alors, elle va manger, elle va avoir des feelings, des idées, l'enfant va lui parler, l'enfant va lui dire ce qu'il a besoin. Et automatiquement, la mère va être capable de manger. Si la mère se porte bien, c'est que l'enfant a ce qu'il a besoin, parce que sinon, l'enfant va le chercher dans la mère. Le cherchant dans la mère va se porter mal. Si la mère, par exemple, ne prend pas suffisamment de calcium, pour que les os de l'enfant aient, ses dents, disons, les processus prédentaires se fassent normalement, ça va se faire normalement. Par contre, la mère risque de souffrir d'ostéoporose. Elle aura des problèmes de tachycardie. Il y aura des problèmes chez la mère, mais pas nécessairement chez l'enfant. Si la mère se porte bien, si la mère vibre bien, si la mère se sent en forme, l'enfant est bien nourri. Peux-tu nous parler de l'accouchement idéal pour un enfant nouveau? Ouais, tapez-le pas. Quand tu sors. Bon. Premièrement, il faut comprendre que une chose importante, il faut comprendre. Certaines personnes, à un moment donné, dans le PMC, dans le programme être contrôleur, qui nous demandaient qu'est-ce que ça foutait d'apprendre la génétique au niveau du PMC4. De quelle façon génétiquement ça se transmet? De quelle façon une rose rose et une rose blanche vont créer des roses roses pâles ou une rose rouge va créer des roses roses, etc. Bon. De quelle façon, à travers une rose rouge et une rose blanche, on a à un moment donné une rose rouge qui ressort à travers un paquet de roses roses et une rose blanche. Bon. Ça permet de comprendre la mécanicité qui fait que vous êtes ce que vous êtes par rapport à vos parents et ça permet de comprendre ce que va être l'enfant. Cela veut simplement dire, et pourquoi on l'enseigne au niveau du PMC, c'est parce que ça doit être cellularisé. Juste en parler comme ça, ce n'est pas nécessairement suffisant. Lorsque la personne là, le comprend même mathématiquement, lorsque ça devient une évidence, si maintenant on lui explique le processus ésotérique ou le processus évolutif de la transmission génétique de l'amélioration de l'homme, elle sait, comprend. Cela veut dire que chaque fois que vous apprenez une chose, non plus mémoriellement, mais lorsque vous la cellularisez. Cellulariser, c'est un terme qui veut dire lorsque ça devient génétiquement inscrit. Lorsque génétiquement, vous êtes un être qui ne peut pas être, par exemple, haineux. Vous ne pouvez pas haïr. C'est moléculairement impossible, atomiquement impossible chez vous. Cela veut dire que génétiquement, dans votre code génétique, il y a une clé chimique qui fait que psychologiquement ou endocrinalement parlant, vous ne pourrez pas émettre ce genre d'émotion. Cela veut dire que lorsque l'humain évolue, il a toujours pensé qu'il devait éduquer l'humain qui suivait. Et c'est là la lacune. Ça a été bon dans l'Antiquité, parce que l'humain évoluait non intelligemment, ce qui fait que l'humain se devait, pour pouvoir évoluer plus rapidement, d'instaurer l'évolution éducationnelle, l'instruction ou l'éducation, pour permettre l'amélioration. Cela veut dire que l'enfant venait au monde guerrier, orgueilleux, vulcain, violent. Et on devait l'instruire que la paix existait, que le bonheur existait, que tout ce que lui ne vibrait pas existait. Et on devait le forcer lorsqu'il était jeune, malléable, faisable, qu'il fallait qu'il arrive à avoir la paix. Il fallait qu'il aime les autres. Il fallait que ceci, il fallait que cela. Maintenant, à la longue, à force d'éduquer cela, on finit par avoir un être humain qui naît et qui, déjà d'instinct, ne recherche pas la guerre. On a donc des enfants qui sont plus pacifiques. On a des enfants qui, déjà d'instinct, recherchent autre chose. Ça a pris des millions d'années. Et plus ça va vite. Cela veut dire que maintenant, il y a ceci. L'éducation ou l'instruction va, dans les sociétés de l'avenir, être une tout petite part de la vie évolutive de l'enfant et du temps de relation entre adulte et enfant passé. Cela veut dire que l'enfant n'aura pas besoin d'apprendre ce que génétiquement il a reçu comme programmation. Autrement dit, nous prenons un ordinateur. L'ordinateur est construit avec une ROM, une mémoire morte. Une mémoire qui, même si on éteint l'ordinateur, ne disparaît pas. Elle ne peut pas mourir, elle n'est pas vivante. Donc, une mémoire morte. Cette mémoire, elle est le constituant génétique de l'ordinateur, c'est sa programmation. Elle est faite comme ça. Lorsque j'ouvre l'ordinateur, c'est écrit « Ordinateur machin chouette, ready ». Il le sait qu'il doit écrire ça, et il me donne une couleur d'écran, et il attend. À partir de ce moment donné, je peux écrire des choses. Et là, je rentre une mémoire vive, une mémoire vivante, la RAM. Et si mon ordinateur a 60K RAM, je peux rentrer jusqu'à un certain nombre de faculté mémorielle dedans mon ordinateur, donc je peux la programmer. Mais à l'origine, l'ordinateur, lorsqu'on l'allumait, il ne foutait rien. Alors le technicien devait mettre des chiffres, mettre des codes, un système binaire, pour programmer l'ordinateur de façon à ce qu'elle finisse par dire « ready », prêt. Alors à un moment donné, la personne s'est dit « tout ce que j'ai besoin qu'elle fasse, au lieu de toujours l'instruire trois fois qu'elle vient au monde, trois fois que je l'allume, je vais l'inclure dedans sa mémoire morte, sa ROM. Et maintenant, à l'ordinateur, j'allume et il y a un langage basic qui est prêt à me recevoir, qui est une programmation qui n'est pas le langage normal de l'ordinateur, qui fonctionne en assembleur, en numérique. Mais elle, maintenant, lorsque je l'allume, le langage basic qui va me permettre, moi, de communiquer avec elle devient instantané, c'est la mémoire morte. et je trouve que mon ordinateur a évolué. Donc, si j'ai un ordinateur qui me permettrait de faire que des calculs d'astronautique, toutes les fois que je l'allume, je ne mettrai pas un logiciel d'astronautique pour lui mettre sa mémoire. Je vais le bâtir de façon à ce que lorsque je l'allume, qu'il me dise « ordinateur d'astronautique prêt à fonctionner ». Si j'ai besoin d'un ordinateur que pour faire du traitement de texte, je ne mets pas un logiciel de traitement de texte dedans pour l'instruire. Je le bâtis en fonction, lorsque j'allume, traitement de texte à votre service. Alors, l'évolution se transmet génétiquement de la même façon. Toujours instruire l'enfant de certaines choses si les adultes le cellularisent. Donc, si cela devient tellement vibratoire pour vous, que vous n'avez plus besoin de technique, que vous n'avez plus besoin de vous en rappeler, que vous n'avez plus besoin de vous le faire dire, que vous êtes comme ça. Lorsque l'humain est en paix, parce que l'humain est conçu pour être en paix, parce que l'humain n'a plus besoin d'apprendre à être en paix, parce que l'humain ne peut plus oublier que la paix existe, lorsque l'humain ne peut pas faire autrement qu'être en paix. Alors on va dire l'humain est programmé, exactement comme présentement vous êtes programmé. Lorsqu'on vous crie des bêtises, vous ne pouvez pas faire autrement que d'en souffrir. À divers degrés, oui, c'est la mémoire, l'éducation, l'expérience, donc la RAM. Alors, la mémoire que vous avez présentement, qui vous constitue, si vous l'acceptez comme étant vous, quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'elle soit inscrite dans votre code génétique plutôt que dans votre code chimique mémoriel ou énergétique mémoriel? Aucune. Il y aurait une différence majeure. Par contre, c'est que lorsque vous avez obtenu un résultat, vous ne pouvez plus jamais l'oublier ou le perdre. Tandis que lorsque c'est inscrit dans la mémoire chimique ou vitale, donc astralisé vitalement de l'astral, lorsque c'est dans votre mémoire, vous faites des pas, puis à un moment donné, vous oubliez. C'est vrai, quand j'étais jeune, c'est vrai, je faisais... Puis là, je suis devenu plus colérique, puis bon, mais ça ne se passerait plus. Alors, quel problème y a-t-il à ce que tout ce que vous bénéficiez comme évolution soit maintenant inscrit à jamais dans une mémoire qu'on pourrait appeler mort, ROM, de votre code génétique, donc qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ce que il y a de bien chez vous devienne cellularisé. Cellularisé veut dire pas appris, pas juste compris, pas intellectualisé. On y pense même plus. C'est naturel chez nous d'être comme ça. On a cellularisé le fait que vous deviez respirer. Oubliez comme vous oubliez, une chance qu'on l'a fait. On a cellularisé le fait que le cœur devait battre. On a cellularisé un million de choses. Et pourquoi maintenant ne cellulariserions-nous pas d'autres choses? Comme, par exemple, un désassujettissement du système endocrinien au plan émotif, de façon à ce que le plan émotif ne se serve plus du corps en l'usant, en le tuant, en le rendant malade, en le faisant vieillir, pour s'exprimer. C'est une bonne chose. Ayez peur si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire que votre cœur pompe pour vous le dire, que vous transpiriez, que vous rougissiez, que vous choquiez, que les dents se promènent de même. Ce n'est plus nécessaire. Pourquoi vous ne pourriez pas avoir peur? Comme ça. Au moins, ça use plus le corps. Pourquoi vous ne pourriez pas être en colère sans que les poings se serrent tout seuls? Sans que tout le corps se mette à marcher tout seul? Pourquoi ne pourriez-vous pas être en colère comme ça? Ah, mais c'est plus humain, non, c'est divin. Mais rendu à cette étape-là, à un moment donné, vous ne serez plus en colère, non plus. Mais est-ce que ça pourrait être transmissible aux enfants le désassujettissement du système endocrinien au plan émotif astral? Bien oui. Cela veut dire que chaque fois que vous évoluez, que vous apprenez quelque chose, si à un moment donné, vous n'avez plus besoin de vous en rappeler, de relire, de vous rafraîchir, ça devient normal. Vous aimez vivre, par exemple. Et si vous avez une personne qui est dans le même état que vous, c'est sans doute cellularisé. On a des peuples qui mettent des enfants au monde, des peuples de guerriers. On a des peuples de pacifiques. Ça se transmet par la génétique. Vous allez dire, il y a le cadre, il y a le milieu, oui. Mais prenez un enfant guerrier, placez-le dans un cadre correct, ça a des mots du problème avec. Le milieu ne fait pas tout. Si la mémoire ROM de l'enfant n'est pas adaptée à recevoir une RAM de paix, ça ne marchera pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que chaque fois que l'être humain évolue, il cellularise des choses, sauf qu'il les cellularise très peu. Donc, l'évolution est lente et elle doit se faire par l'éducation. Mais au niveau de l'intelligence de l'humain actuel, il va et il doit, et certains en sont déjà capables, mais il va être de plus en plus capable de comprendre l'intelligence, de l'avoir pour lui. Je fais une technique et j'abandonne la technique et je reste ce qu'elle m'a amené, c'est cellularisé. Je fais une technique qui m'amène la paix, je lâche la technique, je reste en paix, c'est cellularisé. Je lâche la technique, je retombe comme j'étais, c'est pas cellularisé. Ça vous a jamais appartenu. Lorsque cela est fait, les parents se doivent donc, peuvent, du moins, pouvoir avoir un enfant. L'accouchement de l'enfant doit être inscrit dans la tête des parents. C'est-à-dire que l'enfant qui va accoucher, on ne doit pas penser que seul un corps physique arrive. Il faut bien comprendre que tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, tant que l'enfant est dans l'utérus de la mère, physiquement, il se sent protégé. Il est dans sa coquille. Vitalement, il est nourri par la mère. Émotivement, au niveau du plan astral, il est la mère. Il est la mère. Mentalement, ce n'est presque pas constitué parce que la cérébralité de l'enfant n'est pas prête. La programmation de son cerveau va se faire dehors, entre la naissance et l'adolescence. La grande partie va se faire entre l'adolescence et l'âge de 3 ans. Et ça va être finalisé vers l'adolescence. Parce que le cerveau est constitué, le système sexuel peut commencer à fonctionner, l'énergie vitale peut descendre au niveau des glandes sexuelles et l'enfant devient adolescent. Un peu fou. Bon, normal, il manque d'énergie vitale au niveau du cerveau, il est un peu fou. C'est ça la crise de l'adolescent. L'accouchement idéal. Les accoucheurs doivent savoir que l'accouchement n'est pas une maladie et n'est pas un accident de parcours. Et ça, même si ça paraît évident, c'est relativement oublié de toute notre science médicale. La preuve, on doit accoucher en état d'urgence. Au cas que tout ce qui arrive presque jamais arriverait. Même si tout est correct, même si tout est prévisiblement correct. Donc, l'accouchement, aujourd'hui, est encore une chose dangereuse, presque un accident, sinon une maladie. Regardons simplement l'idée que les jeunes filles se font lorsqu'ils sont malades une fois par mois. Comment se tuer? Ils ne sont pas malades. L'accouchement, c'est similaire. L'accouchement doit donc être fait par des personnes qui savent très bien que l'accouchement n'est pas un accident. Et la mère doit savoir très bien émotivement que c'est une partie d'elle qui s'en va. Elle le sait, elle va le vibrer, c'est son bébé. Mais elle doit savoir que ça s'en va, ce n'est plus son bébé. La mère doit savoir que son enfant lui appartient tant qu'il est à l'intérieur d'elle. À l'instant où l'enfant est sorti, ce n'est plus son enfant, c'est un enfant. Et ça, ça crée des contextes d'affection émotive ou d'attraction qui, lorsque l'enfant est sorti, va permettre à l'enfant d'être immédiatement placé dans un cadre où il pourra rejoindre son intelligence, plutôt que de rejoindre l'intelligence de sa mère. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit être un biberon de caoutchouc. On peut le mettre sur le sein de la mère. Ce que ça veut dire simplement, c'est que la mère ne doit pas exprimer de l'énergie émotive comme si c'était sa possession. Parce que l'enfant qui quitte le sein de sa mère, automatiquement, doit se désassujettir. C'est une partie de l'ego de la mère qui sort et l'enfant est la mère. Si, au niveau de l'attraction émotive de la mère, ça attire l'enfant au complet, il se plug sur la mère. Alors, il devient assujetti déjà là à une intelligence collective. Et ce n'est pas bien pour un enfant. Surtout pas pour un enfant nouveau. Donc, l'enfant doit être pris en considération comme étant un être humain, à part entière, qui n'a pas la faculté d'être viable seul, soit, et pas une appartenance, une possession, un objet. Même si on dit « c'est pas un objet, je l'aime, c'est mon enfant », ça ne change rien, c'est un objet lorsqu'on en fait cela. Ce n'est pas un être humain, c'est son être humain. L'accouchement peut se faire dans un hôpital. L'état d'urgence, même s'il est mécanique, ne doit pas être psychologique. La femme qui se fout royalement de savoir qu'ils sont 8 obstétriciens à attendre en cas qu'il faudrait l'avorter, qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça, si elle s'en fout royalement, que tout va bien, qu'elle est dans un monde à elle où il n'y a pas d'état d'urgence d'accouchement, émotivement, le fœtus ne vit pas l'état d'urgence. Sinon, ça ne peut pas fonctionner convenablement si déjà là, la mère a des problèmes. On a déjà dit un jour que la femme, à partir de ce moment-là, devrait enfanter dans la douleur. On a tout instruit la femme, c'est pas. Tu enfanteras dans la douleur. La femme enfante dans la douleur depuis que l'homme est sexué. Des choses que vous ne savez peut-être pas tous, mais à un moment donné, l'être humain était plutôt unicellulaire, même si la cellule était grosse, et il se reproduisait par transpiration, par division, comme les cellules le font. Lorsque l'humain devient pluricellulaire, il devient sexué. Étant sexué, à partir de ce moment donné, étant sexué, l'homme et la femme sont créés, et la femme qui devra enfanter autrement que par transpiration ou d'autres mécanismes, à la fin de la race lémurienne, la femme commence donc à enfanter, comme tous les mammifères le font. Alors, c'est pas une punition par la douleur. Maintenant, la femme peut arriver à enfanter sans douleur. Mais ça, c'est autre chose, on peut en parler ce soir. Le processus de l'accouchement va donc être impeccable si la femme sait très bien qu'elle va permettre à un corps de surgir, à un être humain, à un être planétaire de naître, de surgir. Et qu'elle sait intelligemment qu'elle a la fonction, étant donné ce qu'elle a accepté, de pourvoir à la vie vitale, physique de l'enfant, c'est tout. L'enfant sera lui-même pourvoir à sa vie psychologique et mentale. Lorsque l'enfant aura besoin, la mère pourra donner. Lorsque l'enfant aura besoin, n'importe qui pourra donner. Et automatiquement, on a un cadre d'accouchement qui est absolument impeccable, que ce soit à la maison, dans une ambulance, dans un taxi ou à l'hôpital. C'est préférable l'hôpital, la maison que le taxi. Et la maison, ce n'est pas nécessairement plus préférable. Sachez une chose, c'est que l'enfant se fout royalement de savoir si les draps sont blancs ou roses. C'est la mère. L'enfant se fout royalement de savoir s'il est dans un hôpital à odeur d'alcool ou d'éther ou dans une maison à odeur de d'autres choses. C'est la mère. Si la mère n'est pas dans un état d'urgence, d'alerte, si la mère est dans un état pacifique où elle accomplit un processus, l'accouchement est parfait. Si l'enfant est mort-né à l'accouchement, ça ne change rien. Dans un état d'urgence, dans les pires états d'urgence des hôpitaux, avec toute la science, on perd souvent des bébés. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. La mère décide d'accoucher chez elle, elle fait venir une sage-femme, peut-être un médecin, et l'enfant meurt. J'aurais donc dû aller gérer, oui, non. On en perd aussi à l'hôpital. Alors, si les précautions intelligentes sont prises, si l'enfant a à vivre, il va vivre. Si l'enfant n'a pas à vivre, il ne vivra pas. Quelles que soient les précautions. Alors, c'est évident que si la mère sait que son enfant se présente par les fesses, elle n'accouchera pas chez elle. Que si l'enfant se présente par les pieds, elle n'accouchera pas chez elle. Pour des raisons mécaniques. Parce que le cordon ombilical est placé sur le nombril. Et lorsque les pieds sortent, le cordon sort avant la tête. Et lorsque la tête vient pour sortir, elle doit s'écraser sur le bassin de la mère, écarter le bassin de la mère, donc écraser le cordon ombilical, ce qui fait que tout le temps que le travail se fait pour expulser la tête, le bébé n'a plus de circulation sanguine, donc il devient bleu, noir et il risque de mourir. Il y a des choses que l'on sait aujourd'hui et c'est parfait, on s'arrange en conséquence. Tout ce qu'il n'y a pas d'état d'alerte. L'enfant est le constituant génétique du père et de la mère. Tout ce qui a été cellularisé chez le père et chez la mère vont donc être ce qui va se mélanger au niveau de l'acide désoxyribonucléique, de l'ADN, pour pouvoir créer une génétique permettant l'apparition d'un enfant. Le spermatozoïde contient tout le père. L'ovule contient tout la mère, enfin, presque tout le code génétique. Lorsque les deux vont s'agencer ensemble, il va y avoir une mutation, une fusion, pour qu'on puisse redonner la quantité normale de... Je peux prendre de termes trop compliqués. Disons simplement que, au niveau chimique, la moitié de l'évolution du père est transmise par le spermatozoïde. Au niveau de la mère, la moitié de tout son règne évolutif est transmis. Lorsque les deux s'unissent ensemble, ça crée un règne complet, total d'évolution, ce qui va donc pouvoir maintenant permettre la création d'un enfant. Lorsque l'enfant grandit, il est surtout assujetti au plan émotif de sa mère, et si c'est un enfant nouveau, il va être surtout régi, et par le plan émotif de sa mère, mais à peine, par le plan énergétique supramental qui l'attire et qui va permettre la croissance normale coordonnée de son système cérébral et de son système laryngé. Lorsque l'enfant vient au monde, il est évidemment attiré par la mère énergétiquement. L'enfant aime sa mère, l'enfant est la mère. Donc, la mère doit accoucher. Le père doit recevoir l'enfant. Aussi banal et aussi spirituel que cela puisse paraître, à ce stade d'évolution, l'enfant est physique, vital, quelque peu astral, à peine mental, en potentiel, mais pas en actuel. Le père peut recevoir l'enfant, ce qui fait qu'attractivement parlant, cela va énormément aider l'accouchement. Le père doit toujours être présent à l'accouchement. Maintenant, le père qui est en état d'alerte, en état d'urgence ou qui souffre pour la mère, lui, on peut peut-être le mettre dans un vestiaire ou dans un casier. Sauf que normalement, essayons d'avoir deux êtres humains qui comprennent ce qui se passe et le père doit être là pour pouvoir recevoir l'enfant. C'est de beaucoup préférable que le père accouche la mère. De cette façon, le père accouche l'enfant comme la mère accouche l'enfant. Si on veut avoir une correspondance juste facile pour comprendre, c'est l'enfant de la mère, elle le garde. C'est l'enfant du père, il le veut. Donc, l'enfant va sortir plus facilement. On a une correspondance émotive. Donc, le père doit assister à l'accouchement et, si possible, le père doit accoucher la mère. Le médecin qui check. Mais qui se pose? La première fois que moi j'ai accouché un bébé, je n'avais jamais accouché de bébé. Exactement. C'était la première fois. C'est donc la même chose pour tous ceux pour qui c'est la première fois. On peut demander à un médecin, la majorité des hôpitaux vont être d'accord, est-ce que je pourrais assister à l'accouchement d'un autre? Et si la mère est d'accord, le père va pouvoir venir. Alors, on l'aura vu. Ça se fait tout seul. La seule chose à faire attention, c'est de ne pas l'échapper quand il sort. Mais ça se fait tout seul. Et c'est le rôle du père. Accoucher l'enfant. Beaucoup de questions aussi maintenant sur l'éducation des parents ou leur rôle. Comment se comporter avec un enfant nouveau au sein de la famille, par exemple? Bon, il y a des phrases clés à ne jamais employer avec les enfants nouveaux. Normalement, quand on dit à un enfant, je te comprends, mais... L'enfant dit, hey, tu ne comprends pas la tarte. Ce que tu veux faire, là, ça, je comprends ça, c'est parfait. Mais, tu ne comprends rien, c'est pas parfait, parce que mais. Donc, il y a des choses à faire attention, c'est que comment se comporter avec un enfant nouveau au sein de la famille. Essayer d'être humain. C'est-à-dire que l'enfant a besoin, lui aussi, d'une forme d'amour. Mais l'amour de l'enfant nouveau sera beaucoup plus régi par son intelligence plutôt que par son plan de désir. Ce qui fait que lorsque l'amour, c'est quoi l'amour? C'est une attraction intelligente qui relie deux phénomènes émetteurs et récepteurs. Et tout est amour. Les molécules, les atomes s'aiment. Tout s'aime. Ma feuille se tient en un morceau parce que chaque molécule qui la constitue s'aime à un point tel que je devrais mettre en masse d'énergie, d'amour des deux extrémités, attiré par là et attiré l'autre bord, pour finir par briser cet amour-là. L'enfant intelligent ne peut pas vivre, ne peut pas servir, peut comprendre qu'il peut servir à un moment donné à assumer les trous émotifs des parents, ou de grand-maman, ou de grand-papa, ou de mon oncle, ma tante, sauf que lui ne peut pas vivre cela. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant nouveau n'a pas besoin des autres au niveau du plan émotif. Et c'est là, sans doute, ce qui nuit le plus à l'enfant nouveau, c'est qu'on essaie absolument de lui faire ingurgiter la nécessité de dépendre émotivement de l'extérieur. Ça fait mal à un enfant nouveau. Autrement dit, l'enfant nouveau ne s'ennuie pas. Il est seul, il s'assume, il est bien. Et parce qu'il est bien et seul, il devient, pour l'homme normal, un être un peu parfait qui rend nostalgique. Et c'est pas long que la nostalgie d'admiration face à l'enfant se transforme en tristesse. Mais la tristesse que l'être humain ressent, il va rapidement la projeter sur l'enfant. Et là, il va penser que l'enfant est triste, mais que l'enfant ne le dit pas. Et toute la foutue psychologie va venir lui dire que l'enfant est renfermé, pogné. Amenez-moi-le. L'enfant nouveau doit le laisser libre. Il doit lui-même expérimenter les choses. On ne peut pas lui dire ce qui est bon pour sa santé. Chaque fois qu'on parle à un enfant nouveau, on doit s'arranger pour que ce qu'on lui dit, si l'on veut qu'il comprenne quelque chose, soit fait de façon logique. Et normalement, les parents anciens fonctionnent de façon émotive. Tu feras plus ça. Je veux plus. L'enfant nouveau, je veux plus, c'est pas une raison. Lui, il veut plus, mais moi, je veux. Tu feras plus ça. Pourquoi? Parce que, non. Donnez une raison qui vous satisferait, vous. Ça risque de le satisfaire, lui. Mais donnez pas une raison que vous-même vous refuseriez de quelqu'un d'autre. Parce que lui, il arrive pour pas l'accepter de vous. Ça devient suffisamment facile. Mais sachez une chose, c'est qu'un enfant nouveau dans une famille ancienne oblige toute la famille à évoluer. Il crée des contextes psychologiques d'évolution. Si vous voulez vibrer avec un enfant nouveau, il doit vous transformer. Parce que lui ne pourra pas vivre avec des mémoires, avec votre personnalité. L'enfant doit être laissé, on doit le laisser libre. Si l'enfant ne déjeune jamais le matin, demandez-lui pourquoi. Dites-lui pas qu'il faut déjeuner. Il déjeune. Lui va vous répondre, je déjeune à 2h de l'après-midi. C'est simple. Je casse mon jeûne de la nuit, mais à 2h de l'après-midi ou à 8h. On lui demande pourquoi et si vous communiquez par l'intelligence ou par la logique avec un enfant nouveau, toujours vous aurez des réponses. Si vous communiquez par le plan émotif avec un enfant nouveau, vous allez toujours vous faire envoyer chez le diable. Il ne pourra pas vous parler. Autre chose, on ne doit jamais poser une question à un enfant nouveau et se servir de sa réponse contre lui. Jamais plus il ne vous répondra. Point fou. Pourquoi tu ne manges pas le matin? Parce que j'en sens pas le besoin physique. Non, à un moment donné, je sens que j'ai faim, fait que je mange, je grignote ça. Mais le matin, je me lève, puis non. Et à un moment donné, on va commencer à se servir de sa réponse contre lui. Un jour, il se lève, il mange. Les parents se lèvent, ils filent pas. Ah bon, il me semblait que tu ne mangeais pas le matin. Tu vois, il me semblait que tu filais pas pour manger le matin. Qu'est-ce qui se prend aujourd'hui? Correct. Un matin, je filais pour manger. C'est la même maudite réponse que tout le temps. Je mange quand je file pour. Un matin, je me suis levé, je filais pour. Ouais, c'est à cause que j'ai acheté l'affaire, hein? Ça se peut, puis après. Mais non, si on prend une réponse d'un enfant nouveau pour la revient contre lui n'importe quand, capote. Un autre exemple? Pour carrément brimer un enfant nouveau qui est encore un peu jeune, l'enfant nouveau commence à suivre... Mettons, donne un exemple. Il veut suivre des cours de yoga. Il s'inscrit à un cours ou deux. Un matin, il file pas. Alors la mère, ouais, c'est ça. Hein? Ça veut faire du yoga, mais c'est même pas capable de faire sa chambre. Yoga va l'avoir dans le derrière en tabarouette. Puis l'enfant risque de plus jamais rien faire tant qu'il ne sera pas sacré son camp chez ses parents. Parce que tout le cadre est un cadre abominable, anti-enfant nouveau. Si l'enfant est suffisamment avancé, un enfant de 10, 11, 12, peut-être 9 ans, dépendant encore du cadre, il ne répondra plus jamais à ses parents, il ne leur parlera pas pour la simple raison que l'enfant nouveau d'instinct va développer un racisme. Il va s'adresser à ceux qui sont de sa vibration, il va s'adresser à ceux qui font l'effort d'être de sa vibration et il ne s'adressera jamais aux autres. Sauf pour les manipuler, mais jamais pour vivre une relation. Alors, comment se comporter avec un enfant nouveau? C'est la meilleure école pour apprendre à se transformer. En direction de la réalité, de la vie et des choses naturelles. Des questions qui concernent le nom de l'enfant. Comment le nomme-t-on? D'où ça vient le nom que l'on va donner à l'enfant, etc.? Une chose très importante, c'est qu'on choisit le nom de l'enfant lorsque l'enfant, on l'a dans les mains. Bon. Et si on veut avoir une réponse tout à fait correcte, l'enfant devra choisir son nom lorsqu'il sera apte à choisir son nom et il aura le privilège de changer de nom quand bon lui semblera, à la condition de nous avertir. Ouais, pour qu'on puisse l'appeler. Ça, c'est la réponse. Depuis bon nombre d'années, j'ai accumulé plein de vêtements et plein de livres. Ils sont dans une pièce où j'ai du mal à pénétrer, puisque c'est trop encombré. J'ai beaucoup de mal à me défaire de la moindre guenille. Pourtant, je suis consciente que c'est autant de boulets. Comment expliquer ce phénomène? Suis-je lié à de vieilles mémoires ou en train de m'enterrer vivante? Bon, évidemment, je crois bien que la personne a la réponse dans sa question. C'est une personne transitive, c'est-à-dire qu'elle a le feeling de sortir, puis en même temps, il y a une personne ancienne chez elle qui a le feeling de rester en dedans, on est bien. Alors, quand je faisais ceci, ça, c'est le... On prend un petit briquet qu'on achète, clic. On a juste la flamme très haut et on met le feu là-dedans. Tout ce qui, de toute façon, telle que la question elle est posée, c'est bien évident que la personne, elle a le grenier plein et le grenier est en train de l'écraser. On ne peut pas être quelque chose de neuf tout en voulant rester ce qu'on était lorsqu'on était plus vieux. Normalement, plus l'être humain vieillit, plus il doit devenir jeune. Neuf. Plus l'être humain vieillit, plus il conserve ce qui le force à vieillir et plus il vieillit. Quel que soit ce qui arrive. Exactement comme l'enfant aime changer de linge de temps en temps. Il aimait ça, il n'aime plus ça. Radical, raide, fini. L'enfant évoluant plus rapidement que l'adulte a besoin plus rapidement que lui de changer de choses. Maintenant, l'enfant éduqué d'une façon collective peut vivre d'autres phases. L'adulte doit lui aussi changer. On a eu des civilisations qui, à toutes les 21 années, défaisaient tout, brûlaient tout, les peaux, les vêtements, tout ce qu'ils avaient, sauf leur temple. Et ils bâtissaient un nouveau temple par-dessus. Les Mayas. Il ne faut pas faire comme les Mayas. Mais ce qui serait intéressant de faire, c'est que de temps en temps, après 2, 3 ou 4 ans, revérifier tout ce qu'on a et essayer de faire peau neuve. Pas poursuivre la mode. Ça vous va encore ou ça ne vous va plus. Ça ne vous va plus changer. Oui, mais ça peut toujours clairer ça. Alors, la personne qui a ces problèmes-là, bien évidemment, la solution, elle est dans sa réponse. Elle demande elle-même qu'elle demande. Si elle demande, c'est qu'elle voit bien qu'elle est en train de se faire étouffer. Si elle a de la difficulté à s'en sortir, c'est pas compliqué. C'est que toute la personnalité de l'homme ancien est... L'homme ancien peut exister que s'il sait qu'il a vécu. Donc, pour pouvoir confirmer qu'il a vécu, parce que l'homme ancien est une bête absolument apeurée. Les mémoires ne peuvent pas suffire. Donc, on garde les bibelots, on garde les cheveux, on garde les photos, comme tout à l'heure je disais. Alors, la personne est l'homme ancien ou la femme ancienne chez cette personne se doit de conserver toutes ses antiquités pour la simple raison que ça vient confirmer le fait mémoriel qu'elle est, parce qu'elle a été. Et si elle se débarrasse de tout, elle va perdre une partie d'elle. C'est en plein ça. Et c'est ce que l'on doit faire, perdre une partie de soi, la partie traînante, la partie peurée, la partie niaiseuse qui, comme telle, ne veut pas du neuf. parce qu'elle a toujours une réponse. Ouais, mais le neuf, c'est pas du vieux. Oui, tout ce qui est neuf, vous ne le connaissez pas. Tout ce qui est neuf n'a pas été expérimenté. Tout ce qui est neuf n'est pas dans vos mémoires. Et c'est pourquoi on a peur de l'inconnu. Oui, mais l'inconnu, je connais pas ça. Puis comme on connaît à partir de ses mémoires, l'inconnu fait peur. Le neuf, c'est pas du vieux. C'est ça. Simplement ça. Tout ce qui est vieux empêche le neuf. Clairez ça. Il restera que le neuf. Il restera pas grand-chose. Sauf que ça aura peut-être la chance de commencer à être quelque chose. Riez jaune, j'espère. Serait-il possible pour une personne qui souffre d'aberration mentale partielle de retrouver le chemin de la santé mentale par une méthode quelconque, se rapprochant de l'homme nouveau? Bon, la personne qui souffre d'aberration mentale, il faut simplement qu'on puisse diagnostiquer clairement de quelle façon son aberration est. L'aberration mentale regarde-t-elle le plan mental? Ou l'aberration mentale regarde-t-elle le plan neurologique, donc psychologique, disons? Si on parle d'une maladie mentale dans le sens conventionnel, on parle donc d'une maladie psychologique. Ça n'a rien à voir avec le plan mental, disons, tel que moi je l'élabore. Si la personne souffre d'aliénation mentale, donc, en ce sens, une aliénation au niveau structurel, je répète que si c'est de naissance, il n'y a possiblement rien à faire. La personne qui est là un plan évolutif qui lui permet d'assumer une partie du karma collectif, un karma qui est donné soit par la génétique, soit par la conservation mémorielle de nos traditions et de nos sociétés. Donc, elle devra vivre sa vie parce que sa fonction est de nous laisser vivre la nôtre. Si la personne souffre d'aliénation mentale qu'elle a acquis, si ce n'est pas suite à des traumatismes cérébraux, et même encore là, il y a des moyens. Il n'y a pas de moyens tout à fait normal dans nos hôpitaux aujourd'hui, mais il y a effectivement des moyens, il y aura de plus en plus de moyens pour que ces personnes puissent retrouver leur plein potentiel au niveau psychologique. Il faut bien comprendre que les personnes qui souffrent d'aliénation mentale de naissance, donc innée, ne peuvent pas être guéries et n'ont pas non plus à être guéries. Toute la partie normale, disons, ou naturellement, potentiellement efficace chez elle, doit être développée, au même titre que l'humain qui apparemment ne souffre pas de ce problème mental. Ce que je veux dire, c'est que celui qui souffre de problème mental doit être placé dans un cadre adapté à lui, de façon à ce qu'il puisse vivre dans un monde qui correspond avec sa faculté de le percevoir, un peu ce qu'on a tenté de faire dans les asiles, sauf qu'on en a tellement mis qu'à un moment donné, il a fallu structurer, et puis les personnes qui étaient dans ces asiles ou dans ces centres hospitaliers n'avaient plus de cadre pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit créer un monde qui permette à ces personnes de pouvoir vivre aussi normalement dans leur monde que nous vivons normalement dans le nôtre. Parce que, soit dit en passant, un génie pourrait traiter d'arriérer tous les autres. Mais vu que tous les autres constituent la masse, eux autres vont traiter l'autre de génie. Et eux autres vont traiter d'arriéré celui qui est plus faible. Mais si les arriérés ont un monde qui est propice à leur évolution, l'arriéré mental a des lacunes au niveau de l'apprentissage de certaines choses. Par contre, il a des potentialités aussi bonnes que les vôtres au niveau de l'apprentissage de d'autres choses. Alors, on doit trouver et on doit les placer dans un monde qui correspond avec le leur. On ne doit pas leur imposer le nôtre. L'arriéré mental, lorsque l'on va dire « oui, mais si on le place dans un cadre à lui, il va finir par mourir parce qu'il ne mange plus, il fait ceci, il fait cela. » Ce n'est pas compréhensible par l'homme ancien. Mais si dès l'instant où on place un homme dans un cadre adapté à lui, s'il meurt, c'est qu'il n'avait pas à vivre. Et même si l'homme ancien ne peut pas comprendre cela, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'un sergent des forces armées dit à un journaliste « je suis cochon, dur et détesté de mes hommes, parce que lorsqu'ils vont être sur le champ de bataille, je ne tiens pas à ce qu'ils meurent tous. » Alors, je leur botte le cul tout de suite d'en bout, je les force, et si un jour ils sont pris à se battre, ben ils seront suffisamment entraînés pour survivre. Le pauvre type qui sera mort sur un champ de bataille et qui a réussi à fuir tout ce que le sergent disait, lorsqu'il y a une balle, vient lui rafler un peu le cuir chevelu. Ce gars-là est un gars mort, même s'il y a encore un peu de vie chez lui. Lorsqu'un être humain sur la planète n'est pas adapté à l'évolution de la planète, il disparaît. Ça l'a toujours été comme ça, sauf depuis que l'humain souffre de la disparition de ses semblables. Lorsque l'être humain a la faculté de pouvoir corriger, c'est que cela doit être corrigé. Lorsque l'humain n'a pas la faculté de corriger, c'est que cela ne doit pas être corrigé. Si l'on observe convenablement ce que l'on fait ou ce que l'on a fait avec les arriérés, la grande majorité servent de cobayes. Et si je dis cobayes, ça froisse. Mais non, mais oui. Demandez à ceux qui s'en occupent. Cobayes. Et même cobayes, cobayes. Alors, qu'est-ce qui est humain? Leur donner la chance de revenir dans un corps complet ou se servir comme cobaye? Pour essayer de comprendre la psychologie de l'homme. Imaginez-vous. Pour essayer de vous comprendre, vous, on étudie les fous. Pour pas comprendre la psychologie de l'homme. Celui qui a une arriération mentale de naissance doit être placé dans un cadre qui pourra le supporter et dans lequel lui pourra développer sa plénipotentialité. Si aucun cadre planétaire ne peut lui permettre, c'est qu'il n'a pas à être. Maintenant, je dis cela. Quelqu'un qui connaît un arriéré mental ou quelqu'un qui a un problème, qui a une personne comme ça chez elle, ne peut pas créer ce cadre. Je disais cela pour expliquer une mécanique, un principe. C'est un phénomène social. Je le redirai peut-être dans 10 ans, lorsqu'on aura les personnages à la tête qui pourront peut-être comprendre les choses. Pas immédiatement. Je le disais pour expliquer un principe. Celui qui vit avec une personne qui est aliénée doit s'arranger pour découvrir toutes les facettes de potentialité évolutive chez elle. Pas en envisager ou en créer, en imaginer. Elle doit s'arranger pour bâtir un cadre et lui donner ce qu'elle a besoin pour pouvoir apprendre. Autrement dit, elle fait comme on doit faire avec n'importe quel humain. Laisse-la libre, observe. Ce qu'elle a besoin, elle va le savoir. Si elle ne peut se le donner parce que la société la bloque, donne-lui. C'est tout. On ne peut pas vouloir prendre une personne que l'on catalogue d'arriéré mental pour pouvoir en faire une personne normale. Vu qu'on est tous des arriérés, c'est comme si un arriéré dans un asile voudrait que l'arriéré pire que lui devienne au moins aussi arriéré que lui. Ce serait similaire. Non. On est comme on est. Et on développe ce qu'on peut développer. La personne qui souffre d'aliénation mentale, à qui? Elle, c'est autre chose. Elle a un karma sur son dos. Donc, elle assume le poids collectif de quelque chose. Ce n'est pas nécessaire de savoir quoi. C'est simplement nécessaire de s'organiser pour pouvoir orchestrer la personne de façon à ce qu'elle ne serve plus de récipient. Sachez une chose, c'est que si un récipient doit être utilisé, si on vous guérit, un autre sera malade. Et lorsque vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce problème ou si vous souffrez de ce problème, guérissez-le, guérissez-vous. Et l'autre qui sera malade, il se démerdera pour se guérir. Et lorsqu'on tombera sur une personne qui deviendra aliénée et qui ne pourra pas se guérir ou être guérie, on pourra dire que maintenant, le karma a trouvé le bon récipient. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une verrue, vous dites, oui, mais c'est comme prenons un rhume, c'est le mieux qu'on prend. Chaque fois que notre rhume s'en va, c'est l'autre qui l'a. T'es habitué. La grippe. Ce qu'il ne faut pas penser, et ça c'est typique de l'homme ancien, c'est que si j'ai la grippe, prenons l'exemple que si je me guéris, qu'automatiquement, prenons l'exemple, lui, François va l'avoir. Alors je me dis, ah mais c'est pas bien ça, là. Moi, j'aime autant l'avoir, bah, ça va être lui. Si vous pensez comme ça, restez comme vous êtes. Vous allez effectivement être le récipient parfait. Mais si vous avez la faculté évolutive de changer ça, lui aura la grippe. Et si lui n'a pas la faculté évolutive de changer ça, c'est bien mieux que lui l'aille, la grippe. Parce que vous êtes un être qui pouvez faire de quoi. Et si lui arrive aussi à s'en sortir, un autre l'aura. C'est parfait. Lui aura eu l'expérience comme j'ai eu l'expérience, puis l'autre aura l'expérience. Tout. Mais lorsque l'humain se dit, oui, mais on aime penser comme ça, mais vous n'êtes pas prêt, par contre, à donner toute votre bouffe à ceux qui en manquent, hein, à couper votre électricité pour laisser les oiseaux pouvoir vivre convenablement, à cesser de rouler en auto, en autobus, etc., pour se polluer. On veut, tant que ça ne nous touche pas trop. Alors, tant qu'à penser égoïstement, pensons-le jusqu'au bout, donc intelligemment. Si François attrape la grippe, je pourrais lui refiler tous mes moyens pour qu'il s'aide, pour que ça parte. Mais moi, ma première fonction est d'être au maximum ce que j'ai à être. Ma première fonction n'est pas d'endurer tout ce que les autres voudront bien me donner. C'est pas la fonction de l'humain, d'avoir un cœur large à un point tel qu'on vient tout planter des couteaux là-dedans. Alors, l'arriéré, qui est acquis, on doit s'arranger pour tout mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne passe pas sa vie à guérir lui, parce que là, on vient fou pour l'autre. Sociétairement parlant, tout doit être placé en œuvre pour que la personne devienne ce qu'elle était, elle. Pas normal, ce qu'elle était, elle, avant. De toute façon, un rhume de cerveau, c'est pas bien grave. Ça prouve au moins qu'on a de l'esprit. Qu'on a au moins un cerveau. Hein. Alors, quatre questions sur la même feuille. On va les voir une après l'autre. Oui, j'aime mieux. Est-ce que cela veut dire qu'un enfant nouveau n'a aucune crainte? L'enfant nouveau, s'il est instruit dans un cadre nouveau, ne peut pas avoir de crainte. Il apprendra par contre à être prudent par intelligence. Il saura, mais il n'aura pas peur. Un enfant nouveau peut-il avoir la force de grandir tel qu'il est, même si ses éducateurs sont anciens? Oui, mais là, c'est un enfant nouveau spécial. C'est-à-dire que c'est un maudit bon enfant. N'y a-t-il pas de risque à laisser un enfant expérimenter ce qu'il veut? Bon, à un moment donné, je vais faire une conférence typiquement sur l'éducation même de l'enfant nouveau. Sachant une chose, c'est qu'il y a trois paramètres au niveau d'éducation. Le premier paramètre, c'est l'observance sans jamais s'impliquer. Donc, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, mais on sait. Dans une société intelligente, tous les adultes observeraient les enfants. Donc, ce serait drôlement mieux. Parce qu'à l'instant même où l'enfant sort de votre perception sensorielle, qu'il soit à l'école, dans la rue ou ailleurs, vous ne pouvez pas savoir. Tandis que les adultes dans la rue peuvent savoir. Mais vu qu'on a une belle société collective où tout le monde se pue l'un l'autre, on laisse tout aller. Disons que la première chose, c'est l'observation sans intervention. Lorsque l'enfant se rapproche d'un danger, il y aura toujours observation sans intervention. Il doit expérimenter. Lorsque l'enfant approche réellement du danger au point que sa vie ou surtout sa vie peut commencer à être en jeu, il peut y avoir observation, intervention, mais à l'insu de l'enfant, l'enfant ne sait pas. Autrement dit, l'enfant va concevoir l'événement comme si la vie l'aurait régi, même si la vie le régit par votre intervention. Et si ça ne fonctionne pas, là on arrive à la troisième phase, la dernière, observation, intervention directe dans le cadre de l'enfant. Normalement, dans nos sociétés actuelles, étant donné qu'on est relativement paresseux, on va immédiatement à la phase intervention directe. L'enfant mange trop de caramel, on doit intervenir pour lui dire qu'il va être mal au ventre. Non, il n'y a pas de danger pour sa vie, qu'il ait mal au ventre. Vous lui expliquerez après. Là, on va comprendre. Il arrive ceci, il arrive cela, il arrive cela. Là, il va comprendre. Lorsque la vie de l'enfant est en danger, il y a intervention avec à l'insu de l'enfant. Je vais donner un exemple. Lorsque, par exemple, l'enfant s'approche souvent d'une carrière, on doit s'arranger pour obliger la municipalité, la compagnie ou ces choses-là à voir à ce que les enfants ne puissent pas tomber dans la carrière. Personne ne fait rien. L'enfant se rapproche toujours. On doit commencer l'intervention directe. Parce qu'une intervention indirecte ne fonctionne pas. L'enfant doit comprendre émotivement, s'il n'a pas suffisamment d'intelligence, dépendant de son âge, ou la logique du danger. Ça, c'est trois phases de l'éducation. Une dernière, peut-être, qui concerne le physique. Quelles sont les modifications vécues au niveau du support physique dans le processus de création d'hommes nouveaux? Bon. Ce qui va surtout être transformé, c'est la grosseur de l'hypothalamus au niveau cérébral. Toute l'orchestration, donc il y aura plus de plis au niveau du cortex cérébral chez l'homme nouveau. Il y aura plus de cellules gliales au niveau du cortex cérébral de l'homme nouveau. Et tout le système endocrinien sera tout à fait désassujetti, c'est-à-dire qu'on n'aura plus un asservissement de la sécrétion hormonale par interaction de l'expression émotive au niveau de l'homme nouveau. Surtout. Il y a d'autres petites choses, mais qui sont relativement banales. Une chose importante, c'est que de quelle façon... C'est que karmiquement, au niveau de la procréation génétique, l'homme nouveau ou l'enfant nouveau aura donc à assumer certaines choses, à brûler certains karmas, à transformer, à personnaliser son être-té, à se désassujettir de la génétique de ses parents. Lorsque l'homme nouveau est complet, génétiquement, il ne ressemble absolument plus à ses parents. Il est venu au monde et on ne sait pas d'où il vient. Même s'il a été généré par une mère, il n'a plus le groupe sanguin de la mère, il n'a plus le code génétique de la mère, il n'a plus rien à voir avec ses parents. Bon. pour peut-être expliquer un peu plus, de toute façon, c'est un peu karmique le phénomène, c'est-à-dire la génétique est karmique, la mémoire est karmique, la société est karmique. Bon, la semaine prochaine, la conférence, c'est comment et pourquoi subissons-nous le karma? Ça s'adresse à l'homme transitif, ça s'adresse à l'homme ancien, à l'homme nouveau.